Alors comme ça on aura bien le temps de poser. Je vais prendre ton numéro, d'accord? Hein? Je vais prendre ton numéro, je vais t'appeler comme ça on aura le temps de poser quand Alex ne doit pas nous arranger. Donc tu dis que je prends Jean comme numéro. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, le verset 38. On va rester sur le texte là, on est déportif sur tous les... De sur tous les angles, à noter un propos de table là, Alex. On va rester sur le texte. Jean chapitre 6, donc Alex en sortant à la maison s'est préparé que je vais traiter Julien là aujourd'hui. On ne bouge pas de ce texte. Ok, Jean chapitre 6. Ok, verset 38, tu as dit verset 38. Mm-hmm. Ok, Jean chapitre 6, verset 38 dit: car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Voilà. C'est ce qu'il dit. Mm-hmm. Ok. Mm-hmm. Déjà, pour nous situer dans le contexte, hein, oui. Si j'ai fait lire ce verset, le verset, oui. Mm-hmm. C'est pour montrer que Jésus mm-hmm. et Dieu. C'est deux personnes différentes. Oui. Je sais mm-hmm. pourquoi j'ai fait lire le verset. Le verset, oui. Pour montrer que voilà Jésus, voilà Dieu. C'est deux personnes différentes. Mm-hmm. Et le verset l'explique clairement. Mm-hmm. Si on s'en tient à ce que le français dit, oui. Nous dit. Mm-hmm. Parce que moi, il n'est pas beaucoup fréquenté. Non, il ne faut pas fréquenter pour comprendre la Bible. Quand je comprends, quand moi je lis ça, mm-hmm. il est dit. Mm-hmm. Donc il a sa volonté, il y a d'autres volontés d'une autre personne. Parce que je suis descendu du ciel mm-hmm. pour faire. Non pas ma volonté. Non pas ma volonté. Mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Mais la volonté de celui qui m'a mm-hmm. envoyé. Mm-hmm. Voilà. Donc, le texte, le sujet, c'est quoi? Tu veux présenter? J'ai dit ceci en lisant ce texte. Mm-hmm. Hein, l'idée mm-hmm. principale, mm-hmm. C'est que Jésus mm-hmm. et Dieu, mm-hmm. c'est deux personnes distinctes. Distinct. Mm-hmm. Et parmi ces deux, il y a un qui est au-dessus mm-hmm. de l'autre. Mm-hmm. Et c'est ce que ce verset explique. Mm-hmm. Mm-hmm. Il est dit, parce que je suis descendu du ciel. Mm-hmm. Non pas pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Mm-hmm. Moi, je comprends en lisant ce verset que si Jésus-Christ est descendu du ciel, mm-hmm. ça veut dire que c'est quelqu'un qui l'a envoyé. Mm-hmm. Pour moi, me dire, Junior, va en ville, va faire telle chose. Je viens comme ça, je ne suis pas en ville par moi-même. Voilà, tu n'es pas venu parce que tu es un individu à part entière. Hein? Mm-hmm. Tu es libre hein, de quitter ici à la maison, d'aller en ville, d'aller faire tes choses. Mm-hmm. Mais tu décides, mm-hmm. mais tu acceptes, ce n'est pas que c'est toi qui as décidé de venir en ville. Hein? Mm-hmm. Tu acceptes que je t'envoie en ville. Mm-hmm. Et tu reconnais que, bon, comme je m'en vais en ville, je suis mandaté par Alex. Hein, pour acheter telle ou telle chose. Et dès que tu arrives en route, tu achètes ces choses et tu reviens me les mettre. Donc voilà ce que ce texte biblique okay. explique clairement. Okay. Je m'arrête d'abord là. Mm-hmm. Bon. C'est vrai que si on entame, on pourra prendre plusieurs ramifications. Mm-hmm. D'accord. Mm-hmm. Lorsque nous lisons la Bible, dans le Nouveau Testament particulièrement, justement, on est frappé par cet aspect des choses. Parce que comme nous sommes dans Jean, disons Jean chapitre 3, le verset 16, la Bible va encore dire Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils. On voit toujours cette dualité du fait que c'est comme s'il y a un père quelque part qui envoie quelqu'un d'autre aller faire quelque chose. Mm-hmm. Il dit en effet Dieu n'a pas envoyé son fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Il y a un thème que tu as dit et c'est depuis nos trois dernières rencontres, c'est ce que tu as dit. Tu as dit que tu prêches le royaume de Dieu. On est d'accord. Mm-hmm. Qu'est-ce que le royaume de Dieu, Alex? Le royaume de Dieu, c'est quoi? Quand tu dis que tu sors pour prêcher le royaume, qu'est-ce que le royaume de Dieu? C'est la question que j'ai posée, elle lie à ceci. Parce que tu as dit que, on vient de dire là-bas que Jésus est venu pour faire non pas sa volonté, mais la volonté de son Père. On est d'accord? Mm-hmm. Ok. Bien que si on descend au verset 39, il va dire que la volonté de mon Père, c'est ce qu'il ne perd de personne de ce qu'il m'a donné. C'est ce qui a continué le verset 39 à 10 là. Tout ça, ça appuie toujours. Ça appuie toujours ce qu'il a. Non, je n'en disconviens pas, d'accord, mm-hmm. mon cher Alex. Mm-hmm. Je veux qu'on avance maintenant dans ce sens-là pour qu'on ne sorte pas du sujet. Mm-hmm. Parce qu'en fait, c'est pour ça qu'il dit que tout sujet de la Bible aura trait au royaume. Toujours. Tout sujet du royaume. Donc, c'est le thème de la Bible. Oui, voilà. Donc maintenant, c'est quoi dans le royaume de Dieu mm-hmm. de que les témoins de Jéhovah prêchent? C'est quoi le royaume? Le royaume de Dieu mm-hmm. que les témoins de Jéhovah prêchent. Mm-hmm. Nous prêchons le royaume. Mm-hmm. Ce royaume est l'instrument mm-hmm. hein, que Dieu va utiliser oui. hein, pour justifier mm-hmm. sa souveraineté unie universelle. C'est pas le moyen du royaume. Mm-hmm. Et il a choisi une créature à savoir Jésus-Christ. Donc, je retiens de ta parole pour te laisser continuer que Jésus-Christ est une créature. Et on va parler là-dessus. On va prendre cet élément, on va parler voilà. Plus tard. Oui. Et Jésus, et c'est ce que tu as dit tout à l'heure, que tu es une créature angélique. Voilà. C'est pas toi, hein. Je sais que c'est écrit dans votre Bible. Allez, s'il te plaît, quand tu amènes les gens, s'il te plaît, dis-leur qui je suis, pour qu'ils ne viennent pas se heurter ici. Ok. Non, Jésus est donc cette créature par le moyen lequel Dieu utilise pour instaurer ce royaume qui va faire en sorte que l'humanité retrouve les conditions de départ du jardin d'Éden. C'est-à-dire que ce royaume-là, c'est le moment où les gens vont retourner à la condition initiale. C'est-à-dire que quand il y aura la réalité, instauré, les hommes vont reprendre la condition pré-adamique. Adamique. Donc avant la chute d'Adam. Donc voilà, voilà à quoi le royaume, royaume va aboutir. Qui est le chef de ce royaume? Voilà. Le roi de ce royaume, c'est Christ Jésus que Dieu a établi roi. Et quand Dieu l'établit roi, Dieu est quoi? Quand Dieu rétablit le roi, je suis dans la même lignée que il y a Dieu ici. Je suis en train de suivre ton parcours. Je suis dans la suite. Voici Dieu ici. Voici Jésus. Tu dis que Dieu a établi Jésus roi de ce royaume. Et tu as parlé du royaume universel. Donc c'est dans tout l'univers, il doit être roi, n'est-ce pas? Quand Christ est roi, lui il est quoi? Dieu est quoi? Ok, ça c'est une bonne question aussi que tu poses. Lorsqu'on voit dans la Bible, la Bible montre qu'il y a un trône, le trône de Dieu, dans la Bible. On va aussi parler de cela. On va aussi le trône de Jésus la Bible. Non, maintenant tu vas poser la question, que Dieu occupe la quelle place. Maintenant, il veut donc te montrer. Voilà, je voulais dire que les termes que tu as utilisés, on va les expliquer. Oui, peut-être on va encore entrer en détail. Mais demande, il y a que Dieu a son trône. A son trône. Jésus a son trône. Je suis à son trône et les 144 000 dans la Bible. Si tu peux, pardon, ne prenons pas d'autres choses. Non, je ne veux pas. Non, toujours pas 144 000, ils ont aussi le trône. Okay. Bon, maintenant, je reviens. Donc, Dieu a son trône. On reste sur Dieu et Jésus. Dieu a son trône. Où? Le trône de Dieu est où? Le trône de Dieu est au ciel. Le trône de Jésus est où? Le trône de Jésus également au ciel. C'est-à-dire à côté du trône de Dieu. À côté du trône de Dieu. Donc, ça veut dire qu'au ciel, il y a deux trônes. Donc, au ciel, d'après ta signification, il y a trône. Je suis en train de dire qu'il y a deux. Non, je ne peux pas te permettre de parler de votre trône. Ok, donc il y a deux trônes au ciel. Okay. Maintenant, quand je reviens, quand je reviens, parce qu'on est en train de revenir, dans la Bible, déjà, on voit dans Daniel, au chapitre 2 et chapitre 3, il y a 2, 4, 7. Daniel chapitre 7, le verset 13 à 14, où l'ancien des jours vient prendre remet au fils de l'homme. Or, on sait très bien que lorsqu'on parle des fils de l'homme dans la Bible, il s'agit de Jésus. Il s'agit de Jésus. On est d'accord là-dessus. Oui, on est d'accord. On va aussi voir les caractéristiques de l'ancien des jours. D'accord. Je ne dis pas qu'on va voir maintenant. Je sens que tu prends seulement les choses. Quand plus tu dis, plus le problème se pose. Donc, d'après toi, l'ancien des jours là-bas, ce serait Dieu. Ce serait Dieu, n'est-ce pas? Voilà. Et le fils de l'homme qui vient prendre la chose entre ses mains, c'est Jésus. Dans ton explication. Il dit, n'est-ce pas? Pas dans mon explication. Non, c'est toi qui allais l'expliquer, c'est toi qui allais parler, Alex. Je vais un peu qu'on. Alex, regarde, je préfère qu'on dise. Alex, je vais te dire quelque chose. Pourquoi tu ne pètes pas de fil? Je veux seulement comprendre ce que tu veux me dire, ce que tu viens d'expliquer. Il dit, dans cette explication. Tu connais mon explication. Non, attends, je veux que tu continues. Dans cette explication de Daniel chapitre 7, à partir du verset 25 en descendant, 20 en descendant, on en avait parlé de l'ancien. Il y a un ancien qui est. Les trônes s'assient, il y a le jugement s'assied. Et l'ancien, un fils d'homme s'approcha en lui donnant la domination. L'ancien des jours, il veut savoir si tu en as parlé, l'ancien des jours, c'est Dieu. Dieu, Jéhovah, que vous savez. Non, moi, je ne veux pas d'abord aller dans les explications. Moi, je vais peut-être te poser des questions. Toi-même, tu vas répondre. Je lis d'abord le verset. Je lis d'abord Jean. Regardons d'abord Jean, chapitre 6. Il ne faut pas que tu sortes du couloir. Après, tu dis, c'est moi qui t'ai fait sortir. Je ne veux pas sortir du couloir. Bon, du moins, on est en train de sortir. Il faut qu'on revienne. Voilà. Revenons d'abord. Non, je préfère d'abord m'arrêter là. Parce que si je sors là. Si tu lis, ne me pose pas la question. Parce que si tu me poses que je vais répondre, ça va tirer. C'est ça que je voulais que tu dises. Parce que si tu me réponds à ta question. Monsieur, s'il vous plaît, je vais aussi quand même vous lire ce verset. Ok, lis alors. Vous allez aussi dire ce que vous comprenez. Comment vous pouvez expliquer ce verset à quelqu'un? Mais de toute façon, si tu sors de sujet, pas que c'est moi qui t'ai fait sortir. Okay. Parce que je voulais que tu m'expliques le royaume, on en allait progressivement pour voir les deux là. Maintenant, je lis d'abord le verset. Jean chapitre 6, verset 38. La Bible dit, vous allez me dire ce que vous comprenez. Oui, je reviens parce que j'ai sorti même du sujet. Je reviens un peu pour vous. Lui aussi va me dire ce qu'il comprend. Comment il peut aussi expliquer ça à quelqu'un? Voici ce que la Bible dit en Jean 6, verset 38. Il est dit, parce que je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. Donc, il est descendu du ciel pas pour faire sa volonté. Qui? Jésus. Ok. Alors, il vient faire la volonté du Père. Il vient faire la volonté du Père. Mm-hmm. Voilà. Ça veut dire que si il est venu ici, c'est quelqu'un qui l'a envoyé. Mais c'est ça, c'est ce que la Bible dit. Alors, personne ne contredit ça. Maintenant, je pose la question. Mm-hmm. Parce que j'étais bien fait comprendre, mais le texte, c'est il est pris. Hein? Mm-hmm. C'est juste pour montrer que Jésus et Dieu sont différents. Différents. Voilà. Ah. C'est ça qui m'a poussé à te poser la question. Vous comprenez un peu très bien moi, j'ai dit la nature du verset. C'est exactement ce que le verset dit. Mais juste en niveau, poser la question qu'on avance. D'accord, parce qu'on peut rester sur un seul texte biblique. Maintenant, je te pose la question, c'est quoi le royaume de Dieu? Tu as défini que c'est la domination universelle. Quand la volonté de Dieu est parfaite, il va s'installer et on va revenir à la condition d'avant chute. Il y a aussi un risque. Hein? Mm-hmm. C'est que si on y a une restriction de plan, mm-hmm, ça serait verset contre verset. Non, c'est pour ça que je n'ai pas cité les versets. Alex, si tu veux répondre. Oh, mais si on reste d'abord là, hein? Mm-hmm. Par exemple, on peut te donner ce verset. Mm-hmm. Mm-hmm. On peut te donner tout simplement ce verset, mm-hmm, de l'expliquer aux gens. Mm-hmm. Mm-hmm. On dit seulement que non. Junior, explique-nous les termes français qui sont utilisés ici. Oui. Tout simplement. Oui, c'est vrai que Jésus est venu faire la volonté du Père. Ouais. C'est ce qui est écrit, pas dit autrement. Voilà. Jésus est venu faire la volonté du Père. Du Père. Mm-hmm. Et maintenant, donc, moi, je te pose donc la question. Oui. Hein? Oui. Moi, je te pose qui est le Père? Quelle est la relation entre le Père et le Fils? Je te pose donc la question. Qui est le Père? Qui est le Fils? Si tu poses cette question, je suis obligé de sortir de ces versets. On est d'accord? Non. Attends, maintenant moi je veux te poser la question. Il ne parle pas, hein, qui est le Père, parce qu'il n'a même pas cité le Père ici. Mm-hmm. Il a seulement dit, je suis venu non pas pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Il a seulement dit, c'est lui. Oui. Il n'a même pas cité le Père. Il n'a pas cité le Père. Oh, maintenant tu vas te dire que pour que je puisse expliquer davantage ces versets, il faut forcément sortir de ces versets. On est d'accord, non? Non, moi je veux aussi écouter aussi la vie de. Non, il n'a pas posé de questions. C'est un homme, il ne peut pas le défendre comme je défends Michel. Même s'il ne peut pas, c'est son avis. Tu me poses la question, je vais te répondre. Mm-hmm. Ils ont demandé que ce verset biblique explique quoi? Il est venu faire la volonté du Père. Qu'est-ce que la Bible dit? Mm-hmm. Il est venu faire la volonté. Pas sa volonté, mais la volonté du Père. Qui est venu faire la volonté du Père? Jésus. Ouais. Alors, est-ce que Jésus est le Père? Maintenant, je suis en train de te poser des questions sur ce verset. Oui. Est-ce que Jésus est le Père, c'est la même personne? Ça, c'est hors du verset là maintenant. A priori, lorsqu'on vit ce verset, a priori, on voit très bien qu'il y a deux personnes, deux volontés. Ouais, ok, on s'arrête donc au fait qu'il y a deux volontés. On sait qu'il y a deux volontés, voilà. On comprend donc qu'il y a deux volontés. Mm-hmm. Donc Jésus pourrait avoir sa volonté, mais il a soumis sa volonté sous la volonté de celui qui l'a envoyé. Voilà. C'est ce que le verset dit. Ok, tout comme je suis avec Michel. Non, mm-hmm, tu sors de la Bible là maintenant. Mm-hmm. Est-ce que je reste dans la Bible? Parce que tu penses à prendre les choses humaines pour mettre les choses de Dieu. Ok, si je veux. Ok, donc je reste dans la Bible. Mm-hmm. Ok, comme tu restes dans la Bible. D'abord, n'est-ce pas? Mm-hmm. Michel n'est pas ton fils. Mm-hmm. On est d'accord. Même si je me prends Joseph et moi, ça ne marchera pas. Mm-hmm. Parce que je peux envoyer Joseph aller faire quelque chose en arrière. Il voit un enfant qui commence à jouer là-bas. Mm-hmm. Alors que c'est sa volonté qu'il a fait comme ça là. Donc restons dans les choses de la Bible. Mm-hmm. Dans la Bible. Oui, mais même Jésus pouvait aussi se mettre à jouer. Vous non, c'est un fils sans part. C'est un fils parfait. Comme tu as lu comme ça, tu me poses les questions que je réponds. À moins que, ou bien tu veux donner des explications, je te laisse. C'est dans ce sens-là que je t'ai laissé que explique-moi ce que c'est que le royaume. Pourquoi on puisse par rapport à ce verset. Ce verset, comme tu as dit, sans qu'on nous pose des questions. Des questions, oui. Sans même toutefois poser une quelconque question. Montre qu'il y a deux personnes. Montre qu'il y a deux personnes. Absolument. Comment donc se peut-il qu'il y ait deux personnes? Qu'il y ait deux personnes, après subitement. Oui. On me dit que ces deux personnes deviennent encore une personne. Ça veut dire qu'il y a un problème. Voilà. Mm-hmm. Or, quand on parcourt tout au long des évangiles de Jésus, dans la grande majorité, dans sa grande majorité de ses déclarations, il ressort clairement que Jésus est seul, le Père est seul. Est seul, et le Père aussi est seul. Mm-hmm. Et il ressort aussi clairement que nul n'avait été la volonté du Père. Mm-hmm. Jésus ne serait jamais venu sur terre. Mm-hmm. Voilà. Nul n'avait été sa volonté. Mm-hmm. Il ne serait jamais venu sur terre. Mm-hmm. Et s'il est venu sur terre, il a été mandaté. Donc, tu as dit, c'est ce qui ressort de toute la lecture qu'on a faite de la Bible. D'abord de ce texte. Mm-hmm. Ce texte c'est même très limpide. Mm-hmm. On n'a pas besoin de. Okay, je vais essayer. J'attends seulement que tu poses des questions, que tu mettes des bases pour qu'on puisse continuer. Je veux pas que tu ne dises pas que tu veux faire la dictature Washington. Non, c'est pas un problème de dictature. Moi, j'étais lié à un verset biblique. Mm-hmm. Hein? Mais tu m'as posé la question, j'ai répondu. Tu as posé la question, j'ai répondu presque la même chose. Pourquoi alors d'abord, je te pose la question à toi. Voilà. Pourquoi toi, tu enseignes que. Que Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Étant voilà. donné que voilà un texte biblique. Voilà. Sans aller chercher à gauche, à droite, explique-moi déjà d'abord ce texte biblique. Non, voilà. pour l'explication, je t'ai déjà expliqué. Et on est d'accord qu'il y a deux volontés. Et quand on lit ça, on voit potentiellement qu'il y a deux volontés. Nous, alors, tu es donc parti chercher ce mauvais enseignement que tu as en train de répondre. Amen. Amen. Donc, comme c'est un mauvais enseignement, que ça ne répond pas à tout, permets-moi donc d'avancer. Parce que je t'ai dit que, Alex, n'est-ce pas? Il t'a dit que si tu me demandes que qu'est-ce que ça veut dire, il t'a dit que. On a exprimé deux personnes, on voit derrière ces versets deux personnes, deux volontés, l'une qui semble être soumise à l'autre et l'autre dont le grand l'a envoyé. Mm-hmm. C'est ce que la Bible déclare. Mm-hmm. Mais à l'instant, tu vas poser la question autrement, il va falloir sortir de ces versets. Mm-hmm. Et si on sort de ces versets, on va rencontrer tout ce que tu as dit. Quand on lit les textes de Jésus, les écrits là, il ressort clairement qu'il y a des zones où il montre clairement qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de lui, comme dans Jean chapitre 14, verset 28, que le Père est plus grand que moi, mm-hmm. que tu connaisses là. Mm-hmm. Dans Jean chapitre 17, verset 3, que vous aimez beaucoup, que oh, la vie éternelle, c'est ce qui croit en toi, qui apprend à te connaître et croit à celui que tu l'as envoyé. On voit encore qu'il y a deux aspects là-bas, mm-hmm. deux personnes. D'accord? Mm-hmm. C'est pas seulement le seul texte. Il y en a tellement. Il y en a tellement, voilà. Je sais. Ok, maintenant. Alors maintenant, tu me poses la question. Si c'est clair qu'il y a deux personnes, comment se fait-il que je distille donc ces faux enseignements? Mm-hmm. D'accord? Souviens-toi, il y a des choses que j'ai mis en. Quand il a parlé des anges, créatures, et ceci, là, j'ai mis tout cela en. J'ai répondu à la question. Mm-hmm. La personne de Yehoshua, Hamashia, cette personne-là, c'est une personne qui a une histoire dans le passé, qui a vécu dans le présent, dans un présent qui est derrière nous. Quand il parle mm-hmm. du passé, c'est par rapport à lui, par rapport à sa venue. Mm-hmm. C'est-à-dire que qui a des prophéties le concernant. Mm-hmm. Et il l'a accompli littéralement, puisque l'une des prophéties que nous avons discuté tout à l'heure, c'était par rapport à sa mort. Mm-hmm. Et par la suite, il a une œuvre futuriste qu'il va faire. Mm-hmm. Donc on ne peut pas prendre un seul truc sur la personne comme ça, on commence à voir. Il faut voir le tableau au complet. Non, je suis d'accord qu'il faut voir le tableau. On est d'accord. Je n'ai pas dit le contraire. On est d'accord. Mm-hmm. Ok, maintenant. Il y a donc des prophéties le concernant qui se sont accomplies. Il y a une centaine de prophéties qui sont écrites dans l'Ancien Testament de lui, qu'il a accomplies à sa première venue. Il y a des prophéties encore dans le même Ancien Testament qui ne se sont pas encore accomplies sur lui. Mm-hmm. Donc, ça veut dire que ce n'est pas une personne qu'on pourrait prendre à la légère comme ça, là, en disant que quand je vois ici, là, comme par exemple, les gens me posent la question souvent dans Jean, Matthieu, chapitre 3, verset 16 et 17, que lorsque vous dites que Dieu est. Quand on l'a baptisé, il est sorti de l'eau, on voit l'Esprit du Saint comme une colombe qui allait parler en haut. Alors que tout lecteur de la Bible sait que Dieu peut parler partout. Donc, il y a des choses de bassesse comme ça, là. Mais je vais dire ceci. La personne de Jésus, si tu veux, à moins que je ne veux pas que j'entre dans l'intérieur, tu dis que tu es bientôt. À moins, c'est pour ça qu'il dit qu'il faut qu'il mette des freins là maintenant. Bientôt, dis-moi combien de temps on a encore pour qu'il sache s'il faut aborder ce thème-ci. Non, même en 30 minutes. Le problème, c'est que j'ignore. Même si on ne finit pas, on va continuer cela. On va continuer. Mais donc, permets-moi de répondre. Mm-hmm. Parce que tu m'as posé la question. Répondre, voilà, tu m'as posé la question. D'où vient-il que. Et tu as dit faux enseignement. Oui, donc, c'est parce que l'enseignement que tu as est le vrai. Et d'abord, il y a un premier principe biblique qui dit de Jésus qu'est-ce qui devait être une pierre d'achoppement, un rocher de scandale, c'est-à-dire qu'un rocher de contradiction. Le jour qu'il est né, quelqu'un l'a porté, l'a prophétisé que cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs. Donc, et un signe de contradiction qui va susciter des contradictions. D'abord, c'est normal que toi et moi, on soit en train de parler de Jésus. Donc là où nous sommes normalement par rapport à cette position, soit tu as tort et moi j'ai raison, soit moi j'ai raison, tu as tort. Mm-hmm. Parce que ça s'agit d'un sujet. Mm-hmm. Il n'y a que deux réponses. Mm-hmm. Soit Jésus est Dieu, soit il n'est pas. Mm-hmm. Et s'il arrive donc littéralement, ou bien dans la Bible, on parvient à voir dans la révélation des Écritures que Jésus est Dieu, alors forcément tu as tort. Mm-hmm. Si on parvient à voir dans la Bible, dans la révélation de la Bible, que Jésus n'est pas Dieu, alors tu as raison et j'ai tort. Mm-hmm. Et auquel cas ma place va finir en enfer. C'est encore un autre mot là maintenant. Mm-hmm. Donc ça veut dire que je serai à la destruction éternelle. Moi, il n'est pas trop tard okay. pour remettre les choses à l'ordre. Que ce soit de ton côté, que ce soit de mon côté aussi. Parce qu'on est d'accord, non? On est d'accord. Quand tu dis qu'il n'est pas trop tard pour remettre les choses à l'ordre, dans les définitions que j'ai dites, il est tout compris, toi. Donc ça veut dire que si toi-même, c'est toi qui es dans l'erreur, il n'est pas aussi trop tard. Oui, c'est je suis dans l'erreur. Voilà. Okay. Voilà. Donc c'est au conditionnel maintenant. Mm-hmm. Maintenant, on va entrer dans les Écritures. Comme j'ai dit que Jésus a un passé, pour qu'on puisse l'observer véritablement, il faut qu'on regarde ce qu'il dit de lui dès le départ. D'accord? Mm-hmm. On va aller dans les prophéties. Il y a des prophéties qui sont accomplies de lui. Avant qu'on ne peut pas considérer un seul verset. On va revenir dans la totalité. Donc, tous les versets de la Bible où ça semble être comme par exemple celui que j'ai pris, où il y a deux personnes. Je les ai et je les connais. Je les ai étudiés verset après verset. Mm-hmm. Il y a tous les versets qui semblent montrer qu'il est confondu au Père. Je les ai. J'aimerais donc te présenter quelques versets de l'Ancien. On va prendre en parallèle l'Ancien Nouveau Testament chaque fois, si tu veux, si tu veux qu'on aille ainsi. Oui, allons-y. Ouvrons Zacharie. Zacharie, c'est tout après Matthieu. Ouvrons en parallèle. Mais en regardant toujours le doigt sur Jean combien de lui. Non, attends, j'ai bien situé la chose. J'ai bien dit qu'il y a des versets qui montrent clairement que c'est qui présente deux. Ça veut dire que le problème se situe dans quel niveau? Attends, c'est ce que je veux aussi savoir. Le problème se situe dans quel... Alors maintenant, ça veut dire que quoi? Je vais te dire, il y a les gens, c'est un dicton de... C'est les gens de la chrétienté. Oui. Donc, chez nous, des religions là-bas dans nos... au sud, mm-hmm. qui aime souvent dire que la Bible, c'est comme les écorces de l'arbre. Donc, et qui tombe, ça tombe comme ça peut tomber comme ça, comme ça peut tomber comme ça. Mm-hmm. Non, ça c'est juste un exemple divine, c'est juste un exemple que j'ai pris. Mais en réalité, n'est-ce pas? La non, Bible, non, la Bible, non, ne pas de ça la Bible. Oui, oui. Que ce soit les écorces, non, comme ça peut tomber comme ça, ça peut tomber comme ça. Donc, évitons qu'on tombe dans cette piège du diable. Je voulais dire, n'est-ce pas, la première chose, je crois que peut-être, à moins que peut-être tu aies un avis derrière, la Bible ne peut pas enseigner sur le même sujet une chose et son contraire. C'est la première des choses. Si la Bible dit une chose, c'est la chose qu'il va dire la prochaine fois. Parce que Dieu ne peut pas te dire que ça c'est blanc et après à toi il vient dire que ça c'est rouge. La Bible lui va dire ce qui est vrai. Vrai. Maintenant c'est qui t'a, moi à toi maintenant qui pouvons déformer, déformer la vérité qui est dans la Bible. C'est là où je voulais revenir. Je voulais dire que s'il y a une vérité, s'il y a la vérité dans la Bible et que les gens ne comprennent pas ou bien il y a une ambiguïté, ce sont les êtres humains qui ont embrouillé la chose. Ce n'est pas la Bible qui a embrouillé. On est d'accord. D'accord. Ah, ça c'est clair. Voilà. Donc lisons, il dit que, comme tu as dit qu'il y a 30 minutes, je ne pourrais pas entrer dans ça que je pouvais aller depuis la Genèse, voir la chose jusqu'à dans le Nouveau Testament. Maintenant, je prends Zacharie, je vais seulement prendre les versets tels que ça va venir. Chapitre 11, vous avez Zacharie chez vous là, n'est-ce pas? Zacharie, lisons au chapitre 11, lisons le verset 12 et 13. Verset 12 et 13. Lise dans ta version, je ne sais pas ce qui est écrit dans ta version. Verset 12 et 13. J'ai dit que je vais prendre en parallèle, parce qu'il faut qu'on connaisse la personne. Là, en parallèle comme ça. Chapitre 11, verset 12, verset 12 et 13. Lise dans ta version, on voit. Alors je leur dis, si c'est bon à vos yeux, donnez-moi mon salaire. Sinon, abstenez-vous. Ils payaient alors mon salaire 30 pièces d'argent. Oui. Verset 13 maintenant. Maintenant, verset 13. Mais Jéhovah me dit, jette-le au trésor. Oui. Ce prix magnifique auquel j'ai été estimé par eux. Je pris donc les 30 pièces d'argent et je jetais cela au trésor dans la maison de Jéhovah. Voilà. Ok, maintenant, voici une prophétie biblique. Dans cette prophétie, il est question de 30 pièces d'argent. Il est question de quelqu'un qu'on a de vendre. Il est question, en fait, si tu continues dans l'écriture, on dit clairement qu'il a jeté à la maison. On voit clairement que c'est écrit accompli à Judas. Tout à l'heure, nous avons lu cet verset là au chapitre 26 et chapitre 27. On voit très bien que Judas est revenu pour donner cela. Quand l'argent, ils n'ont pas voulu prendre, on a jeté ça. Ils l'ont jeté effectivement dans, dans le temple. Ils ont ramassé ces 30 pièces-là. Ils ont dit qu'on ne peut pas mettre dans le trésor parce que c'est le prix d'un sang. Et la Bible dit que clairement qu'ils ont acheté un sang pour c'est plus que pour les étrangers avec cela. Et c'est écrit ici dans le livre de Zacharie. Ok, maintenant, voici la question que je vous ai posée pour qu'on puisse voir clair. De qui est-ce qu'on parle dans Zacharie ici, qu'on a vendu? Celui qu'on a vendu dans Zacharie, oui. C'est Jésus qui est vendu dans Zacharie. Non, il ne s'est pas écrit Jésus nulle part là-bas. S'il te plaît, je veux que ne sois pas déconcentré. Suis évidemment la question. Non, je suis concentré. Michel, tu as même suivi, n'est-ce pas? Il dit ici dans Zacharie, verset, chapitre 11, verset 12 et 13, on parle de qui littéralement, sans une interprétation? Ok, on parle de... Attends, on parle de Jéhovah. De Jéhovah. Donc, Jéhovah dit que c'est lui qu'on a vendu. Oui. Dans le Nouveau Testament, on voit que c'est qui? Donc, il dit dans le Nouveau Testament, qui est-ce qui est vendu comme ça? Dans le Nouveau Testament, celui qui est vendu, c'est Jésus. C'est Jésus. Ok. Ça commence à poser un problème. Parce que ça va tous les deux. Pour moi, ça ne pose pas de problème. Il continue. Non, en fait, ça ne peut pas te poser de problème. Regarde, n'est-ce pas? Ça ne peut pas te poser de problème par rapport à ta doctrine. De la même façon comme ton Jean, chapitre 6, verset 38, que tu as mis, ça ne me pose pas de problème par rapport par à ta doctrine. Par rapport à ta doctrine. Ça ne me pose pas de problème. Parce qu'il ne pose pas de problème jusqu'à quand quoi ça cause problème. Mais je suis en train de dire que 700 ans plus tôt, quelqu'un écrit ces versets-ci et Jéhovah, dans ta version, Jéhovah ne dit pas que tu prends cette pièce. Le prix qu'ils ont estimé de mon fils ou bien de quelqu'un d'autre. Il dit que c'est lui qu'on a estimé. Donc c'est lui qu'on a vendu. Et on voit dans le Nouveau Testament, quand ça va se réaliser, c'est une autre personne qu'on appelle Yehoshua qui vient. Donc est-ce que Yehoshua, c'est Jéhovah? Non. Alors maintenant, dans ce cas, pourquoi Jéhovah a dit cela que c'est de lui dont il est question? Ok, point d'interrogation. Maintenant, donc, le problème qui se pose donc maintenant, monsieur. Donc tu comprends ma question, non? Non, moi j'ai compris ta question. Mais quand tu as dit, le problème qui s'oppose, oui. Là maintenant, voilà un point d'interrogation. Maintenant, en gardant toujours mon doigt sur Jean, oui. J'ai dit que moi je ne veux pas enlever le doigt là sur Jean aujourd'hui. Tourne comme tu vas tourner. Je reviens là. Tu as lu ce verset, moi je lis Jean 6, verset 38. Oui, lis. Qui dit, parce que je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais virgule, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Voilà. Cette personne qu'on a envoyée, qui est parce que c'est Jésus qui est en train de s'adresser. Absolument, absolument. Et c'est cette personne, cette même personne qui est vendue pour combien de pièces d'argent? 30 pièces d'argent. Oh, cette personne-là, lui-même, de sa bouche, il dit que c'est sa volonté, la volonté du Père qu'il est venu faire. Qu'il est venu faire la volonté de celui qu'il a envoyé. Bon, là encore, tu ne m'as pas. Frère, Alex, je recommence encore. Dans ce Jean chapitre 6, si Jésus explique exactement quelle est sa volonté qu'il est venu faire. Il a dit que sa volonté, c'est que je ne perde aucune des brebis qu'il a donné et je les restaure. C'est ce qu'il a dit par la suite, n'est-ce pas? Oui, quand on va dans la suite. Mais voilà, je suis en train de dire jusque-là, je ne nie pas ce que l'Écriture dit. Mais effectivement, dit ici, Jéhovah, dans votre version, a dit ici là que ce prix-là, c'est lui qu'on a estimé à 30 pièces. Donc, ça veut dire donc que pour toi, on pense. Non, je voulais dire que toi-même, tu m'expliques. Quand tu lis comme ça, qu'est-ce que tu comprends? Parce que tu m'as posé la question tout à l'heure, quand tu as lu Jean chapitre 6, verset 38, en disant qu'il y a la volonté de Jésus. Tu m'as posé la question. Je te pose la question. Quand tu lis Zacharie chapitre 11, verset 12 et 13, et tu comprends dans Matthieu chapitre 27, on parle de Jésus et de Judas. Quand tu lis ici, dans Zacharie, on parle que c'est l'Éternel qu'on a estimé à 30 pièces. Dans Matthieu 27, c'est Jésus. Qu'est-ce que tu peux expliquer? Qu'est-ce que tu comprends toi aussi? Quand je lis là, moi, je ne veux pas comprendre. Avec l'idée que Jésus-Christ est Dieu. Non, je ne te dis qu'un. Ta compréhension, quand tu es face à ces écritures, tu vois que c'était prévu qu'on vende le Jéhovah à 30 pièces. Et quand tu lis le Nouveau Testament, quand la conscience, c'est pour ça qu'il dit que Jésus a un passé, un présent qu'il a vécu et un futur qui arrive. Il dit, quand tu parles dans le passé, tu vois qu'on a déjà parlé de quelqu'un parce qu'il est écrit de lui là-bas. Et on voit quand il vient ici, on voit que la personne dont on parle là-bas, ce n'est pas la personne qui est ici là, dans certains aspects. Après, tu te remarques que l'accomplissement, c'est autre chose. Quand tu lis cela, je ne sais pas que. Toi-même, tu dis que cette personne, par moment, dans certains aspects, on voit que c'est celui dont on parle. Mais dans d'autres aspects, ce n'est pas lui. Mais qu'est-ce que tu comprends? Maintenant, ça pose toujours des problèmes. Ça pose toujours des problèmes qui nécessitent toujours. Des réponses. Des réponses. Non seulement des réponses d'une étude bien approfondie du sujet. Oui. D'une étude bien approfondie du sujet. Je vais seulement te montrer quelques passages comme ça, Alex. Donc voilà un passage. Je n'ai pas dit le contraire. Tu as montré ce passage, je reviens toujours à Jean. Ça fait toujours que le problème, la réponse n'est pas. La réponse n'est pas encore devenue donnée. Avançons donc dans Malachi. La réponse reste toujours la même. Donc je vais lire et puis je vais poser encore des problèmes. Je dis, regardez la méthode que je suis en train de prendre. Si on va dans la Bible maintenant, tu prends dans Jean, je peux aller toujours dans le même Jean, chapitre 6, là, t'es montré, on sera conflit. J'ai élargi la chose pour qu'on voit ça clairement. Dans le passé. Et on va aller dans le passé par rapport aux choses maintenant. Et regardons seulement le prophète. J'aime particulièrement le livre des prophéties. Chapitre 3 de Malachi. Mon cher, tu es. Il faut que tu vérifies Malachi. Lis chez toi le verset 1. Le verset 1 de chapitre 3 chez toi. Il dit vois Jéhovah, mon messager. Pardon. Non, lis bien. Vois, j'envoie mon messager. Et il devra frayer un chemin devant moi. Ok, donc qui parle là? Dans ce verset que tu as lu là, qui est en train de parler? C'est Jéhovah qui est en train de parler. Il parle de qui? Laisse-moi, j'ai fini d'après. Je vais finir. En fait, parce que la phrase est longue. Je voulais dire que. Je vais finir et puis moi, je vais t'expliquer ce que je comprends. Ok. Voilà, je reprends. Voyez, j'envoie mon messager. Il devra frayer un chemin devant moi. Oui. Et soudain viendra à son temple le vrai Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance en qui vous prenez plaisir. Voyez, il viendra à coup sûr, a dit Jéhovah des armées. Oui. Tu as dit jusqu'à là. Non, ça va sur le verset 1 seulement. Voilà le verset 1. Ce verset, l'explication qui est donnée à ce verset, s'applique premièrement à la personne de Jean le Baptiste. Ok, non, attendez. Qui est venu frayer. Attends, c'est ça devait intéressant là-bas, n'est-ce pas? Il dit que c'est très intéressant. Donc, en fait, il faut qu'on voit, il y a deux choses qu'on a envie de dire ici. Il y a une personne qui a envie de parler d'une autre personne, n'est-ce pas? Il dit, j'envoie C'est ce qu'il dit. Mm-hmm. Voyez, j'envoie mon messager et il devra frayer un chemin devant moi. Mm-hmm. Voilà. Donc, une personne de parler d'une personne qui va venir. Mm-hmm. Ok. Qui, regardons la personne qui va venir frayer le chemin, il s'agit de qui? Mm-hmm. Il dit qu'il s'agit de qui va frayer le chemin? Qui est censé débrousser le chemin devant? Jean le Baptiste. Mm-hmm. Ok, maintenant, la question maintenant c'est que qui est en train de parler ici, dans ce chapitre? Celui qui est en train de dire que voyez, j'envoie, qui est en train de parler? Celui qui est en train de parler, c'est Jéhovah qui est en train de parler. Maintenant, ce Jéhovah donc là dit que il envoie Jean-Baptiste devant lui-même, pas devant une autre personne. Qu'est-ce que tu en dis? Regarde bien, parce que regarde, c'est pas moi qui dis. J'ai dit que c'est Jéhovah, hein? Non, je dis que regarde bien, regarde Alex. Mais ce n'est pas parce qu'il dit que Jéhovah envoie quelqu'un devant lui. Voilà, regarde, n'est-ce pas? Regarde. Il dit, voyez, j'envoie mon messager. On est d'accord, n'est-ce pas? Mmh. Et il devra frayer un chemin devant moi. Il n'a pas dit devant une autre personne. Mmh. Okay. Donc la personne qui est en train de parler, en train de dire que la personne qui va venir frayer le chemin, ça sera devant lui. Mmh. On est d'accord, n'est-ce pas? Mmh. Explique-moi. Et toi, tu as bien répondu que la personne qui va venir frayer le chemin, c'est Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste. Mmh. Et Jean-Baptiste a frayé le chemin devant qui? Ok. Bon, pour te donner répondre, hein, la réponse que moi je vais te donner. Oui. Ça, c'est une prophétie. Oui. Mmh. Oui. La Bible, c'est une prophétie. Mmh. Et les prophéties ont souvent des aspects différents. Ont plusieurs aspects. Jusqu'à là, ce n'est même pas le problème. Voilà. Et comme on a dit, toutes les prophéties, la majorité des prophéties, c'est vrai que bien quand on regarde tout, les prophéties concernent toujours la personne de Jésus-Christ. Oui. Hein? Oui. Toutes les prophéties de la Bible concernent toujours la personne de Jésus-Christ. Oui. Ok. Moi, jusqu'à là, je reste là. Oui. Je reste là. Je reste dans Jean. Et maintenant, je reste là, je reste dans Jean, je reste dans Zécar. Et puis maintenant, moi, je t'amène aussi quelque part. Non, attends, s'il te plaît, Alex, on va compliquer comme ça. On le complique rien. Chaque fois, n'est-ce pas? On va aller. Je te dis que ce jeu-là, comme tu sais, c'est bien. On commence dans ce jeu-là. Non, franchement, personne n'ira nulle part. Non, parce que moi, je veux lire le proverbe. Attends, écoute aussi, moi, j'ai lu le proverbe. Alex, tu as aussi beaucoup lu cette. Non, je n'ai pas beaucoup dit. Alex, moi, tout à l'heure, j'ai dit ceci. Si c'est le jeu avec la Bible, je ne peux pas jouer parce que je ne peux pas mettre le temps pour jouer avec la Bible. Moi, je veux lire le proverbe 22, verset. Chapitre 8, verset 22. Il est dit ceci. Bon, oui, moi, je vais lire. Lui, au moins, il va écouter. S'il te plaît, permets aussi que tu lises. S'il te plaît, je vais te permettre que tu lises. Parce que, moi, tu vois, quand j'ai lu ce texte, moi, j'ai voulu qu'on lise un seul verset biblique. Ah ben, mais Jean chapitre. Vous avez vu, non? J'ai bien dit à Alex aujourd'hui qu'il ne peut pas qu'on sorte, il dit que c'est moi qui ai fait. J'ai posé une question à Alex. Un texte biblique. Parce que, monsieur, écoutez un peu, vous allez un peu neuf, s'il vous plaît, pardon, avant d'intervenir. J'ai dit ceci. Il lit la Bible. Je lis la Bible. Nous lisons tous la Bible. Si on veut s'asseoir pour faire lire des versets contradictoires, tu vois, non? Vous voyez, non, monsieur? Si on se met à lire les versets contradictoires, on peut les lire. Il n'y a pas de versets contradictoires dans la Bible, Alex. Les versets contradictoires dans la Bible. Les versets contradictoires. C'est pour ça que n'avançons pas sur les versets. Parce que c'est qu'on ne va pas s'entendre. J'ai bien dit que tu as dit que tu viens poser les royaumes, pour prêcher le royaume. J'ai dit que je te pose la question sur le royaume. Non, c'est toi qui dis. J'ai lu un verset. Tu n'as pas expliqué le verset. Waouh, Alex. Non, j'ai Alex. Je le confie. Permets-moi un peu, pardon, s'il te plaît. Non, non, tu n'es pas dit ce qui est vrai. Je reviens. Je réponds. Je repose. Donc pourquoi il prêche donc voilà. Je suis bien. C'est la question que tu as posée. Tu as donné tes réponses, non? Non, non, tu as donné des réponses, c'est suffisant. Non, non, je n'ai pas. Attends. Parce que si il faut donner des réponses, on peut donner jusqu'au bâtiment. Je n'ai pas donné de réponse, Alex. Moi, je vais te lire proverbe. Quand je lis proverbe, vous avez lu le proverbe là, chapitre 8. Je vais le lire pour que vous écoutez aussi. Proverbe chapitre 8, verset 22, la Bible dit: Jéhovah lui-même m'a produite comme le commencement de sa voix. La plus ancienne de ses œuvres d'autrefois. Jéhovah lui-même m'a produit. Depuis des temps indéfinis, j'ai été installé. Depuis le début, depuis des temps antérieurs à la terre, quand il n'y avait pas d'abîme d'eau, j'ai été enfanté comme dans les douleurs. Quand il n'y avait pas de source chargée d'eau, avant que les montagnes aient été établies, avant les collines, j'ai été enfanté comme dans les douleurs. Alors qu'il n'avait pas encore fait la terre et les espaces et la première partie des masses de poussière du sol productif, quand il prépara les cieux, j'étais là. Quand il décréta un cercle sur la surface de l'abîme d'eau, quand il affermit les masses nuageuses, tu vois donc maintenant tu dis. Oh. Non, non, laisse-le parler. Celui qui est question ici, moi je préfère arrêter. Celui qui est question ici, il s'agit de Jésus-Christ. Comme il a dit, Jésus a eu un passé. Ça, c'est son passé. Lui-même sait très bien que la personne dont il est question ici, il s'agit de Christ Jésus. Quand Dieu a fait ceci, il était là. Quand il a créé le ciel, il était là. Quand il a fait ceci, il était là. Quand il a fait ceci, il était là. Cette personne qui était là, c'est Alex. Qui? Alex. Alex. Oh. Alex. Non, je pose la Alex, question. Alex, c'est qui? Tu peux répondre. Je peux répondre. Oui, si tu veux, tu réponds. Alex, j'ai comme l'impression que quand il pose mes questions sont gênantes. Tu dis, toi, tu ouvres ta bouche là, tu dis que quand Dieu créait le ciel, il était là. Quand Dieu créait ceci, j'étais là. Maintenant, si tu prends un verset de ta même Bible qui dit clairement que c'est Jésus-Christ qui a créé, tu vas commencer à me dire maintenant que non, Dieu a créé par son entremise. Tu ne pourras pas m'expliquer. Alors, tu viens de dire de ta propre bouche là que Dieu, quand Dieu a créé le ciel, il était là. Alors que la Bible déclare que c'est Jésus qui a créé trône, dignité, domination. Après, tu vas maintenant me tourner en me disant que Dieu l'a créé. Junior, on n'est pas entré dans cette lecture. Une question. Peu importe celui qui a, ne soit même celui qui a créé. Dans cette lecture que je viens de lire, de Proverbe, il ressort qu'il y a deux personnes. Vrai ou faux? Alex. Il n'y a pas deux personnes dans ce contexte. Je t'ai dit que tu lis là-bas, je lis là-bas, on avancera. Moi, je reviens à ce verset de Jean. Si tu veux qu'on continue, parlons de Jean chapitre 8, verset 3. J'ai compris. Maintenant, je vais voir si Michel est vraiment honnête. Michel, quand ton acolyte a dit ici, dans ce Jean chapitre 6, j'ai donné la définition. Il m'a demandé la définition, je lui ai donné. Il a donné demandé son point de vue. Il a dit j'ai dit que si tu veux mon point de vue, voilà ce que j'ai dit. Mais il a dit que, j'ai dit que si tu poses la question autrement, on sera obligé de sortir là-dedans. C'est pour ça qu'il a dit que. Je lui pose la question par rapport au royaume. Il a dit que non, il me pose la question pourquoi, si c'est comme ça, je pose donc les fausses doctrines en disant que Dieu et Jésus c'est la même personne. J'ai donc dit qu'il va aller le monde dans le passé. Il commence à me dire qu'il va sortir dans le passé. C'est pas ça. Il y a une belle phrase. C'est pas ça, Michel. Ici. Voici Malachie. Je suis encore dans Malachie. J'ai lui, j'ai posé des questions. Personne ne me répond par rapport à la question. Moi-même, je vais te dire, toi, tu ne vas jamais répondre. Allez, c'est toi qui as mis le verset au départ. Moi, j'étais dit un verset. Discutons-en sur ce verset de Jean chapitre 6, verset 38. Ok, peut-être qu'on ne pose pas. Pose-moi donc la question, alors, Alex. Je relis Jean. Jean chapitre 6. Oui, oui. Écoute-moi toi-même, c'est ton capitaine là-bas. Je relis Jean. Jean chapitre 6. Écoute très bien. Jean chapitre 6, ok. Jean chapitre 6, verset 38. Voici ce que la Bible dit en Jean 6, verset 38. Oui, Alex. Tu vas me dire, Si Jésus et Dieu sont la même personne, dans ce verset, il est dit parce que je suis descendu du ciel, non pour faire ma volonté. Pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Pose-toi des questions alors. Je pose quelques questions encore. Maintenant, la question que je vais donc te demander, la question que je vais donc te poser, la question que j'aimerais donc te poser, c'est de savoir. Ici, dans ce contexte, dans ce verset que nous venons de lire, il est question de combien de personnes? De deux personnes. Voilà. Et parmi ces deux personnes, est-ce qu'il y a un qui est au-dessus de l'autre? Oui. Voilà. Pour moi, ça va. Donc, non, si c'est la question, si tu voulais avoir cette réponse, si tu voulais avoir cette réponse, je t'ai répondu. Pour moi, ça va, je n'ai plus besoin de. Voilà, si ça va, c'est que ça va. Il y a deux personnes, et on sait qui est en train de s'adresser là, c'est Jésus. Oui. Voilà. Oui. Et qui a envoyé l'autre, c'est Dieu. C'est Dieu. Non, c'est que ça va, c'est que ça va. Comme Jésus avait dit. Ça veut dire qu'il y a deux personnes, Alex. Avons-nous encore du temps de preuve? Alors, Alex, n'est-ce pas, je reste dans Jean. Il y a un verset que j'ai pris avec pour Michel tout à l'heure, dans Jean au chapitre 1, et tu as dit que tu voulais travailler dans ce contexte. Donc nous voyons effectivement que dans la Bible, il y a deux personnes. Et vous avez conclu que la personne qui est la plus grande, c'est un grand Dieu, qui est Jéhovah. La plus petite personne, c'est Jésus, qui est un petit Dieu. Donc il y a deux dieux, un grand Dieu, un petit Dieu. Si il peut comprendre, oui ou non. Alex, réponds moi aussi. Non, c'est Alex qui pose la question. Non, utilisons les phrases telles qu'elles sont utilisées. Dans Jean chapitre 1, comment? Non, n'allons pas sur les versets, parce que c'est lui qui s'est. Il prend ses. Il dit si, Michel. Non, attends, pardon, attends, il finit avec lui, je reviens avec toi. Alex lui-même, j'ai commencé à donner le verset biblique. Il a dit que si tu donnes le verset biblique, il va donner le verset biblique. Et tu vas encore jouer le même jeu, parce que je suis sorti là. C'est lui-même qui. J'ai dit que depuis au départ, moi, Alex, ne faisons pas cela. Il ne joue pas ce jeu. Ok, je reviens à toi, permets-moi de causer avec lui. Donc, Alex, tu m'as posé la question dans Jean chapitre 6, verset 38. J'ai dit qu'on voit effectivement là-bas, pour répondre à ta question, on voit deux volontés, donc une volonté d'une personne qui est soumise à une autre. Et puis j'ai répondu, maintenant j'ouvre la parenthèse en disant, dans votre version biblique, dans ce même Jean, au début, il est écrit qu'il y a un grand Dieu et un petit Dieu. Et ce sont les deux là, grand Dieu c'est le Père, le petit Dieu c'est Jésus qui est le Fils. Donc vous avez deux dieux chez vous, oui ou non? Ne sois pas aussi de ces versets, Le mot Dieu. Oui, il y a un grand Dieu. C'est écrit là-bas, Dieu avec grand D qui est le Père. Et Dieu avec la parole cette fois-ci, la parole qui est Jésus, avec petit D. Donc, c'est le deuxième Dieu là-bas. Je ne sais pas, moi, je ne veux pas que ma réponse. Non, ouvre donc. Me sort de Jean chapitre 6, verset 30. Non, non, c'est encore deux personnes. Ah, je ne veux pas. Non, attends, attends, il dit ici, n'est-ce pas? La question ne sort de mon contexte. Non, la question ne sort pas. La question ne sort pas. Je ne veux pas sortir. Alex. Je veux rester. Alex, tu m'as posé la question, n'est-ce pas? Je t'ai répondu, tu as dit que oui. Donc, ça veut dire que tu es d'accord avec moi qu'il y a deux personnes dans Jean chapitre 6, verset 38. Moi aussi, je suis d'accord avec toi qu'il y a deux personnes. Mais ces deux personnes-là, tu as dit, c'est Jésus et Dieu. On est d'accord, non? Le problème, mon problème, c'est tout maintenant au niveau de ces deux personnes-là. Vous appelez Jésus-Christ Dieu aussi. Pourquoi vous appelez aussi Jésus Dieu? Dans Jean chapitre 1, verset 1. Pourquoi? Déjà, savoir qu'est-ce qu'un Dieu. C'est pour la question, qu'est-ce qu'un Dieu? Non, ne sort pas de contexte. Quand tu dis que Dieu, le Dieu créateur, quand tu dis Dieu là, le Dieu grand D, pourquoi vous avez mis Dieu là-bas? Quand tu dis Dieu, est-ce qu'il y a une question sur Dieu là-bas? Mais lorsqu'on parle de Dieu, de Dieu dans Jean chapitre 1, verset 1. Verset 1. Oui. C'est tout simplement pour montrer qu'il y a un vrai Dieu. Oui. Donc, juste que c'est un faux Dieu alors. Donc, avec petit Dieu, juste que c'est un faux Dieu. Jésus-Christ Jésus-Christ est le Fils. Bon, dans Jean chapitre 1, on l'appelle Dieu, oui ou non? Jésus a appelé Dieu, non? Alex, si ça devant toi, ne me tourne pas. Comme tu as dit qu'on ne sort pas de Jean 6, 38, on ne sort pas de ces versets, on ne va nulle part. Voici ici, il dit, voilà au commencement. Okay, je te réponds, Oui. Nous adorons deux dieux, qui est Jéhovah Dieu et Dieu Jésus-Christ. Donc, ça veut dire que vous adorez Jésus. Je veux dire, pas adorer. Non. Je reprends un peu la question. Oui. Alors, tu me forces à me forcer. Non. Je me reprends. Oui. Je me reprends. Nous adorons Dieu, vrai Dieu. Oui. Qui est Jéhovah. Oui. Et nous croyons. On a foi. Oui. On croit. Oui. Hein? Dieu Jésus-Christ. Ça fait combien de dieux? Ça fait combien de dieux? Mais ça fait deux dieux comme si deux dieux. Ok, je réponds, ça fait deux dieux. Ok, non, ça va, non, c'est ce que je voulais entendre. Ça fait deux dieux, donc vous avez deux dieux. Oui, toi, maintenant, je suis avec toi. Donc, je recommence, je retiens que tu m'as dit, Alex, qu'il y a deux dieux chez les témoins de Jéhovah. Allons-y, explique-moi. Qui est le vrai Dieu et Jésus-Christ Dieu? Pas Satan pas là. Jéhovah Dieu et Jésus-Christ Dieu, non? Non, attends, dis que Jésus-Christ est Dieu, non? Non, attention, j'ai pas dit que tu as dit que Jésus-Christ est Dieu. J'ai dit, je suis que tu as dit aussi que Jésus-Christ est aussi un Dieu. Et c'est ce qui est écrit dans votre Jésus, un petit Dieu, qui n'est pas l'égal de Jéhovah. Il n'est pas l'égal de Jéhovah. Non, c'est ce qu'il dit. Non, c'est là, vas-y, il ne faut pas que tu. Donc, ça veut dire que vous êtes polythéiste. Donc, vous êtes polythéiste parce que Dieu, ça veut dire que c'est déjà plusieurs. Michel, viens. C'est ton prédicateur ici. C'est ton prédicateur, c'est son enseignant. C'est lui qui vous conduit. Donc, il vous enlève dans Dieu. On adore. Vas-y, il faut qu'on comprenne un peu. Non, je n'ai pas parlé d'adorer. Il y a deux mots. Il y a adoration et adorer Dieu. Et quoi en Jésus, c'est bien de mon nom. Tu sais très bien, toi mon junior, tu sais très bien. Tu sais très bien, ne me fais pas dire. Alex, attends un peu, tu sais nos convictions, nos croyances. Non. Tu sais très bien que les témoins de Jéhovah, permets que je finisse un peu de te dire ce que tu sais sur nous. Oui. Tu sais très bien que les témoins de Jéhovah adorent le Dieu qui est Jéhovah. Oui. Et on foi en Christ Jésus. Qui est un petit Dieu? Non, tout ce qu'il veut savoir, c'est que Christ est aussi un petit Dieu. Je ne suis pas obligé d'utiliser le terme petit Dieu. Non, tu as déjà dit, parce que c'est écrit noir et blanc là-bas qu'il y a un grand Dieu qui est Jéhovah et un petit Dieu qui est Jésus. C'est écrit noir et blanc dans votre Bible. Oui, c'est écrit noir et blanc dans votre Bible. Donc ça veut dire que vous avez deux dieux, donc un grand Dieu, un petit Dieu. C'est la conclusion que tu as donnée là-bas. Donc ça va pour moi. Et ça pose avoir un problème. Non, ça ne pose pas un problème. Donc ça veut dire que les deux personnes donc, qu'on a identifiées dans Jean chapitre 6, que tu as donné, verset 38. C'est un grand Dieu et un petit Dieu. C'est les deux personnes là-bas. Oui, ça fait deux entités, un au-dessus de l'autre. Non, les entités, dis le mot Dieu parce que c'est le mot qui. Non, ça, c'est pas le mot Dieu qui est important. Non, c'est le mot. Comment tu dis entité? Il n'y a pas d'entité, c'est pas écrit entité dans la Bible. Dans ce genre-là. Jean, quel genre? Chapitre 6, verset 38. Oui. On parle de. Deux personnes. Oui. Et ces personnes-là, tu as identifié comme Jésus et Père. Et ces deux personnes, c'est Jésus et Dieu. Voilà. Et au chapitre 1 de ce même livre, on les a identifiés clairement dans votre version que c'est le grand Dieu Jéhovah et le petit Dieu Jésus. C'est ça qu'il veut dire. Mais c'est le problème qui se pose donc. Le problème, c'est qu'il y a deux dieux chez vous, un grand Dieu et un petit Dieu. Le problème, alors, c'est lequel? Le problème, c'est qu'il y a un grand Dieu et un petit Dieu, Alex. Et chez toi, il y a combien de dieux? Il n'y en a qu'un seul Dieu. Qui est en trois, par exemple, en deux? Non, il n'est pas en deux. Non, qui est en deux? Non, qui est en deux? Non, si tu me poses la question, je vais te répondre. Non, excuse-moi, en répondant à la question. Oui. Répondant à la question. Oui. De me prouver qu'il y a un Dieu, il y a un Jésus en deux. Un seul Dieu. Un Dieu. Il y a un seul Dieu. Qui est le Fils? En même temps qu'il est le Fils, qui est venu sur terre en tant que Fils. Oui, voilà. Maintenant, explique-le-moi en t'appuyant sur Jean chapitre 6, verset 38. Tu me l'expliques en t'appuyant sur ce verset, je te rejoins. Ok. Tu m'expliques ce Jean 36, verset 38, je te rejoins. Oui, donc ça me dit que il faut qu'il comprenne bien avant d'avancer. Si tu es en train de me dire que je parle seulement des gens, je peux dire 6 verset 38, je ne sors pas de là. Tu me l'expliques, oui. Je ne sors pas de là. Tu me l'expliques. J'explique des gens, je peux dire 6 verset 38, je ne sors pas de là. Tu ne peux pas m'encadrer dans un seul verset biblique et me demander que je t'explique là-bas. Parce que pour que j'explique, il faut qu'il parle de la crucifixion de Jésus. Tu vois donc, je te dis que ça ne sert à rien de se lancer là-bas. Non, Alex, c'est toi qui as la vérité. Oh. C'est toi qui as la vérité. La en plus, tu es prédicateur. Tu es prédicateur de la congrégation. La seule satisfaction que moi j'ai reçue, oui, au moins de l'entretien d'aujourd'hui, oui, c'est que tu as reconnu en ce verset biblique. Oui. Il y a deux personnes. Qu'on s'adresse là dans ce verset biblique. Les gens, chapitre 6, verset 38. Donc, on voit ce que le narrateur nous fait comprendre qu'il y a deux individus. Mm-hmm. Donc, pour moi, voilà la seule satisfaction. La plus grande des satisfactions, donc, faisant suite à la satisfaction que tu as eue. La plus grande des satisfactions, n'est-ce pas, faisant suite à la satisfaction que tu as eue, c'est que j'ai confirmation de toi qui es prédicateur, qui enseigne là-bas, que vous avez deux dieux. Non, on n'a pas deux dieux. Je recommande encore le verset 1. On n'a pas deux dieux. Le verset 1. Moi, je n'étais pas lu Jean chapitre 1, verset 1. C'est pas toi qui as lu. Non, attends. Celui qui a lu ça aujourd'hui. Regarde, Alex, voilà, ça demande toi. Mais si ta Bible, tu n'as pas vu ta Bible, c'est ta version. Regarde. Au commencement, la parole était avec Dieu. Ça, c'est grand Dieu. Et la parole était un Dieu. Donc, il y a la parole. On voit encore ici, il y a deux personnes. C'est la même personne. Il y a la parole qui était avec. Parce qu'avec, ils ont montré, c'est une proposition qui lie deux personnes déjà. Donc, il y a la parole et il y a le grand Dieu dans votre version aussi. Ok, maintenant, ça veut dire que la parole était un Dieu et il y a aussi Dieu. Donc, il y a un petit Dieu aussi, un grand Dieu. Les deux qui se trouvent dans Jean chapitre 6, verset 38. Ou si on veut, on les appelle deux dieux. Non, il est question. Non, c'est pas comme si on veut. C'est écrit là-bas littéralement, Alex. Regarde devant moi. Sois honnête. Voici grand Dieu. Voici un petit Dieu. On dit que c'était deux. Donc, les deux qu'on a dit dans Jean chapitre 6, verset 38, c'est un grand Dieu et nous sommes d'accord que la personne qui venait faire la volonté de l'autre est plus petite que celui qui a envoyé. Mm-hmm. Alors, dans ce sens, attends, ça veut dire que celui qui l'a envoyé. Attends, quand j'ai pris ça, il a dit que c'était sur ça. Lui-même, il a dit, je dis que c'était sur ça qu'il veut qu'on parle. Permets-moi de conclure avec lui et puis je serai avec toi. Donc, Alex, je veux que Alex me dise. Je ne veux pas te dire ce que tu veux qu'il te dise. Dis-moi ce que tu veux. Dis-moi ce que tu veux. Ce que moi j'ai à te dire, ce que j'ai à te dire en te disant le texte, je te l'ai dit clairement sans jouer les mots. En te lisant le texte de Jean chapitre 6, verset 38. Verset 38. Si j'ai amené, parce que ce n'est pas la première fois qu'on a eu ce débat. On a eu ce débat, on a eu à lire les versets, on lit à gauche, on lit à droite, on lit à gauche, on lit à droite, après on se sépare. Vous comprenez bien, non, monsieur? Sans tirer la conclusion. En fait, et il est comme ça, c'est un prédicateur du royaume, il est censé m'amener dans le royaume, mais je lui pose la question, il me répond. Pourquoi je t'amène dans le royaume, il faut que je vienne, je te donne ce manuel ici, oui, que tu as le manuel là. C'est comme ça qu'on amène quelqu'un dans le royaume. Et donc, avant que ce manuel ne soit pas, avant que ce qu'enseigne réellement la Bible ne soit, est-ce qu'il y avait d'autres qui amenaient déjà dans le royaume? Ok, pourquoi on étudie? Allez, sois même fini. Non, je vais te prendre un exemple. Ça, ce qu'on fait là, ce n'est pas l'étude biblique. Oui. Non, c'est pas l'étude biblique qui amène les gens dans le royaume. Alex, tu es un prédicateur, ne me dis pas les choses comme ça. Ça, c'est l'étude biblique qui conduit pas les gens dans la Bible. Voilà. Donc, c'est comme moi, si tu veux, en tant que prédicateur, parce que je t'ai dit, notre travail, c'est de prêcher le royaume de Dieu. Oui. En quoi l'assemblée, on nous a encore encouragé de les prêcher. De prêcher même davantage qu'on ne le faisait pas. C'est pas le passé. Le passé parce que Jéhovah Dieu a lancé son compte à rebours. Oui. Ok. Ça paraît. Non, ça paraît stupide. Je dis ceci, n'est-ce pas? Tu es sorti pour me prêcher le royaume. Mais maintenant, c'est la vérité. Voilà, je suis dans disant non ceci. Quand on vient comme ça, on prend des sujets au pif. Parce que habituellement, c'est ce qu'on fait. Tu vois, depuis un certain temps, il t'a laissé le libre choix. Il était venu dire on prend un thème. Oh, ça, maman, Michel. Moi. Michel, il ne sait pas jamais venir expliquer. Il dit ne peut pas, il ne peut pas parler. Moi, il est tout fait là. Regarde. Moi, je n'arrive pas à m'exprimer. Parce que vous n'avez pas à vous comprendre. Chacun a son point de vue. Non. Et personne ne peut se plier pour sur ce que l'autre dit. Bon, attends. Attends, parenthèse, s'il te plaît. Est-ce que pour la question de deux dieux et grand Dieu là, tendu-tu par rapport à ce sujet-là? C'est en pour cela que je disais à Junior que c'était mon sujet à développer. Mm-hmm. Et ce qu'Alex a dit, aime bien parce que le texte de 1 Jean est écrit. Jean chapitre 1 verset 1. Mm-hmm. Rejoint le texte de Jean chapitre 6 verset 8. Ça rejoint ça, non? Ça rejoint ça pourquoi? Parce que là, Jésus dit qu'il est venu faire, non pas sa volonté, mm-hmm. mais la volonté de celui qui l'a envoyé. Mm-hmm. Montrer ainsi que c'est la volonté de Dieu qui venait accomplir. Mm-hmm. Mais pourquoi est-ce qu'on écrit Jésus? On écrit Dieu. Le Jéhovah avec grand Dieu. Jéhovah avec grand Dieu. Et Jésus avec petit Dieu. Petit Dieu. Voilà pourquoi. C'est là le texte de Philippiens chapitre 2. Verset 5 à 9. Verset 9. Mm-hmm. Il dit qu'il est dit que. Attends, moi je suis à la page. Je vais attendre que tu devais être à la page. Non, il sait qu'il est écrit dans votre verset. Ne t'inquiète pas, je suis à la page. Quand il cite Philippiens, il dit chapitre 2, verset 9. Tu sais savoir que je suis à la page. Je sais que tu connais. Mais c'est toujours. Même Jésus connaissait la Bible, mais il aimait toujours ouvrir. Il disait, tu vas apporter moi. Jésus a dit où d'apporter moi, Alex? Apporter moi les rouleaux. Il n'a jamais dit ça. Jésus n'a jamais dit qu'on n'a pas de rouleaux. Donc, ok. Lis, mon cher. Il a dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a élevé à une position supérieure et lui a donné volontiers le nom qui est au-dessus de tout autre. Oui. Qu'est-ce que tu veux comme ça prendre ce verset si vous m'expliquez le pourquoi on a écrit Jésus avec Dieu? C'est bien pourquoi est-ce qu'on a écrit Jésus avec Dieu? Dieu, Michel, fais attention sur le terrain sur lequel j'avais glissé. Laisse-moi finir d'abord, même si c'est grave. Nous ne sommes pas là dans dans une table ronde où c'est un débat chaud qu'on a envie de. Donc, vas-y. Donc, c'est comment il dit, c'est que Dieu l'a élevé dans une position supérieure à celle de toute autre créature. Cette position, c'est quoi? Donc, quelle est la position qui est au-dessus de la créature? Donc, je suis un médiateur entre humain et lui, parce que ça c'est plus loin, il dit que pour que, donc, devant lui, se pliera tout genou. Non, c'est toujours au verset 10, c'est au verset 10 la même. Quand tu pries Jésus, tu ne passes pas à l'intimité de Jésus-Christ. Quand tu pries Jésus, comment? Quand tu pries Jéhovah, tu ne passes pas à l'intimité de Jésus-Christ. Attends, je pose la question. Donc, c'est pour cela qu'on écrit ici, on écrit Jésus, Dieu, avec petit D. Attends, le problème, voici un problème. Tu es en train de m'expliquer un verset biblique par une chose qui n'a rien à voir avec le contexte. Ici, on est en train de parler de la parole qui est en train de venir, on l'appelle Dieu. Là-bas, on est en train de parler de quelqu'un qui est déjà mort, ressuscité et allé au ciel. Et c'est quand il est en train d'entrer qu'on appelle petit Dieu, il n'est pas encore comme ça là. C'est quoi? Mm-hmm. On l'appelle petit Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est élevé. S'il te plaît, au lieu de poser la question autrement parce que c'est ton verset et maintenant on va y entrer. Dans Jean chapitre 1, verset 1. On est en train d'introduire, montrer comment la parole est venue dans la chair. C'est ça, non? Dans ce Jean chapitre 1. Voilà maintenant. Et on dit que cette parole-là était un Dieu. Donc, dès le départ, il était un Dieu. Il n'était pas un Dieu lorsqu'il est venu sur la terre faire la médiation et rentrer. Parce que Jean chapitre 1, on est en train de parler de son contexte dans le passé. On est d'accord? Philippiens, on est en train de parler de. Il était un Dieu, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi? Parce que, premièrement, c'est le premier fils de Dieu. Donc, ce n'est plus parce qu'il a fait la volonté du Père. Bon, premièrement. S'il te plaît, attends. Nous allons rentrer au verset 5. Non, c'est ça même. Jésus vivait en conformité avec la parole de Dieu. Attends, le fait qu'il vive en conformité avec la parole de Dieu fait de lui qu'il soit un Dieu. Non, c'est ça. Ajoute, donne-moi les arguments. Il veut vraiment que la vraie question, c'est ceci. Pourquoi on ne se paye pas? Pourquoi Jésus est appelé un Dieu dans Jean chapitre 1, verset 1 dans votre version? Les enfants sont où? Avec bouteille de jus, Jean. Genèse chapitre 49. Verset 39, Jean chapitre 41. Genèse chapitre 41. Verset 39. Tu veux qu'il lise? Genèse. Verset 39. Genèse chapitre 39. Pour toi, regarde, n'est-ce pas? Je ne dois pas aller, je ne dois pas être contre avec les versets. C'est Alex qui est traite comme ça, là, comme il a dit. Chapitre 41. Tu as dit 41, hein? Genèse 41, c'est ça? Vous m'avez le pain, non? Oui, non. Il mange toujours. C'est mon frère. Yes, m'a oublié aujourd'hui, comme ça. C'est quand on est entré comme ça, là. Je m'excuse, Alex. Jus familial, là. Jean, tu dis Jean? Genèse 41, merci. Genèse 41, verset 39. Je lis dans ma version. Ok. Verset 39 dit, et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Bon, continue. Verset 40 maintenant, je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Moi, qu'est-ce que tu dis, Comment? Ici. Oui. À quelle place est-ce qu'on a placé Joseph? On l'a élevé à côté des pharaons. À côté des pharaons, n'est-ce oui. pas? Ce qui veut dire que pour les Égyptiens, il était devenu quoi? Ne me pose pas la question que je ne peux pas répondre à la question qui n'est pas posée, qui n'est pas vue dans la Bible. Donne-moi la réponse. Les oui. Égyptiens, n'est-ce pas? Oui. Il est devenu comme un autre pharaon, n'est-ce pas? Mais pharaon là, avec le type. Tu vois que tu as donné une interprétation qui est sortie dans la Bible. Montre-moi dans où. On est en train d'aller en profondeur de ce qu'on étudie. Si tu parles en profondeur, regarde. Qu'est-ce qu'on dit? Oui. Il dit que le trône seul me lèvera au-dessus de toi. Toute la domination sur tous les Égyptiens. Tu vas dominer sur tout le monde. Oui. Sauf la différence de toi et moi, c'est justement le trône. Tu deviendras un pharaon. Non, non. Mais c'est comme ça, non. Pharaon, c'est le roi du pays. Tu deviendras un pharaon. Un pharaon. Mais je serai plus grand que toi, juste par le trône. Ok, donc ça veut dire qu'il y a combien de trônes donc? Qu'est-ce que ça veut dire? N'est-ce pas, cela voulait dire que Joseph pouvait... Commander, donner les ordres. Commander, oui. C'est seulement en cela. Est-ce qu'il y a un verset biblique où on appelle Joseph pharaon? On n'appelle pas pharaon. Donc ça veut dire que tu ne vois pas. Parce que ici, quand tu te prends ce verset, c'est pour dire que voici un Dieu, par exemple, le Père qui est sur le trône, et il est Dieu. Et en ce sens-ci, donc, Jésus est aussi appelé Dieu. Dis déjà ici, de Joseph, qu'il domine sur tout Israélite et Égyptien. Tout le territoire, c'est même parce que toute la terre même. Tout le peuple, veut déjà dire que Joseph était devenu comme un pharaon aussi. Tu dis comme un pharaon, non? Comme un pharaon. Mais pas comme pharaon. Pas pharaon. Il n'est pas pharaon, oui. Mais il est devenu comme pharaon. Comme un pharaon. Mais est-ce c'est que... pour cela que Jésus ici est écrit en petit début. Je recommence encore. Jésus, tu tournes encore, je reviens. Non, suis. Jésus qui est le roi du royaume instauré par Dieu. À quel moment il est roi? Jésus, suis d'abord. Il est un roi du royaume instauré par Dieu. Oui. N'est-ce pas? Oui. Est Dieu avec petit dé. Puisque c'est lui qui domine déjà sur tout, mais Dieu le dépasse seulement sur la royauté. Ok, maintenant, j'ai suivi ton raisonnement. Jésus, on dit de lui qu'il est Dieu à quel moment? Quand il a soumis toutes choses ou bien depuis l'éternité? Dans Jean chapitre 1 là. Parce que Jean chapitre 1 dit au commencement, regarde encore, parce que nous parlons, Jean chapitre 1 parle du commencement. Il dit au commencement, et là c'est même avant même les œuvres soient faites, parce qu'on dit que toute chose a été faite par elle. Donc la chose qu'on a dit, c'est depuis même avant qu'on ne crée quoi que ce soit. Or, Pharaon et Joseph, ici, sont en train de dire, il faut qu'ils aient une créature sur laquelle ils dominent. Donc, depuis le commencement, avant qu'aucune lumière ne soit là, il était déjà appelé un Dieu, d'après votre parole. Mais étant déjà, étant donné qu'il est déjà porte-parole de Dieu. Porte-parole comment? C'est un peu de... Pourquoi est-ce qu'on dit que c'était que, la parole? Pourquoi est-ce qu'on appelle ici parole? Donc, il fut déjà un porte-parole. Parce qu'on ne peut pas t'appeler parole sans que... On n'appelle pas porte-parole, on l'appelle parole de Dieu. Tu es peut-être un chef d'entreprise. Oui. Maintenant, est-ce que tu vas te déplacer pour faire tes commissions? Tu as de parole, ça n'a pas. On est dans le même contexte. C'est dans le même contexte. On dit Jésus est la parole de Dieu. Là, on dit il est la parole de Dieu, pas qu'il est le porte-parole. Porte-parole, c'est un prophète. Oui. Les porte-paroles sont les prophètes, qui peuvent parler au nom de ceci. Mais on dit Jésus-Christ au commencement. Et le commencement, c'est depuis l'éternité là-bas. On dit dans le commencement là, de l'éternité là-bas. C'est votre version qui dit. L'autre version, je ne dis pas ça. Votre version dit que depuis là, il était un Dieu. C'est pas qu'il y a un événement qu'il a fait avant que désormais, comme tu as de prendre les Philippiens chapitre 2 là. Parce que c'est à Philippiens là, c'est quand il a fait toutes les choses et on l'a élevé. Or, ici, c'est au commencement, quand il n'a encore rien fait, il n'a pas encore fait la volonté, comme notre frère a dit là. Il est encore dans le commencement, dans l'éternité. Et vous l'appelez déjà un Dieu. Donc, depuis l'éternité, avant que toute chose ne soit créée, vous avez mis, il y a un grand Jéhovah, un petit Jéhovah, indépendamment de quoi que ce soit qui se passe dans l'univers. Ce n'est pas nous qui avons. Mais c'est vous qui. C'est votre version. La traduction, c'est en matière de traduction. Ok, c'est mais donc. Alors, je veux donc que toi, en tant que prédicateur du royaume, tu m'expliques donc pourquoi, depuis l'éternité, il est appelé un Dieu. C'est ce que je suis en train de demander. C'est comme je l'ai dit tantôt que Jésus. Donc c'est une manière de traduire, c'est la manière de traduire. Donc c'est juste une manière, donc on ne voulait pas dire ce qu'on a dit là. Attends, je peux aussi, oui, pendant qu'il fouille encore, j'ai... Ok, peut-être qu'il va relire, il va relire. Non. Ok, tu voulais dire quoi, Alex? Moi, déjà, quand on parle sur la nature de Jésus-Christ, oui. Selon Jean chapitre 1, le verset 1, qu'on vient de lire, oui. Et lorsqu'on voit... que ce soit avec Proverbe, que ce soit avec Colossiens, chapitre 1, verset 1 à 15, précisément dans Colossiens, chapitre 1, verset 15. Déjà, on parle qu'il est l'image du Dieu invisible. Pourquoi on dit qu'il est l'image du Dieu invisible? Parce qu'on explique dans les autres versets de la Bible que c'est par son moyen que toutes les autres choses sont venues à l'existence. Par le moyen de qui? De ses fils. Or, ils ont. Et c'est la seule créature aussi. C'est la seule créature qui a été créée directement par Dieu sans l'intermédiaire de quoi que ce soit. Tel qu'on explique les choses. C'est la seule créature. Donc, c'est-à-dire que Jésus est la seule créature que Dieu a créée directement comme ça. Là. Sans l'intermédiaire de quelque chose. Le concours de. De rien. Les autres créatures, ouais. Qu'il a fait. Maintenant, les autres créatures. Toutes les autres créations, qu'est-ce qu'il a fait? Les invisibles, qu'il a fait? Il les a créés par le concours de. Quand tu dis par le concours, je veux dire quoi par le concours? Dans la Bible, Jésus appelle, on appelle Jésus dans la Bible ouvrière. Voilà. On sait généralement pour réaliser une œuvre, il y a le maître d'œuvre et l'ouvrier. Bon, si il faut parler de le maître d'œuvre dans cet exemple, c'est Dieu, l'ouvrier, c'est Jésus. L'ouvrier, c'est Jésus. Donc, tu veux me dire, Alex, que là où tu es comme ça, c'est Jésus qui t'a créé. Donc, là où tu es là devant moi, comme ça, là, c'est comme tu me regardes là. Donc, tu veux me dire par là que c'est Jésus qui t'a créé et non pas Dieu. Non, ce n'est pas ce que non, je recommence encore. Je reprends mon exemple. Oui. Excuse-moi de prendre les exemples, mais parfois, avec les exemples, on comprend mieux. Je prends. Monsieur Junior veut construire cette maison. Oui. Oui. Tu t'assois. Oui. Tu commences à réfléchir. Tu conçois d'abord ta maison dans ton cerveau. Après, tu reproduis ça sur un plan. Tu reproduis ta maison sur un plan. Tu as dessiné ça sur un plan. Mais maintenant, il faut donc réaliser. Tu as déjà même le terrain. Est déjà là. Maintenant, tu dois réaliser ta maison. Tu achètes du sable. Tu me prends, Alex. Viens m'aider à frapper les papes. On commence à frapper les papes. Après, allez, viens, on creuse les fouilles. On commence à creuser les fouilles. On commence à élever la maison. Je ne sais pas si vous comprenez un peu bien mon exemple. On met la maison et beau, on a, il y a les clés. Cette maison, on va dire que qui a construit la maison? C'est l'auteur, c'est la personne qui a pris la décision de construire. Voilà, c'est Junior qui est. Pas celui qui a pris sa fête de semaine. Voilà. Donc c'est Junior, c'est Junior qui a conçu la maison. Après, donc ton exemple maintenant avec ce qui nous concerne maintenant. Quand je reviens donc sur Jésus-Christ, oui. Dieu. Au niveau de la création. On va revenir sur Jean chapitre 1, verset 1. On ne quitte pas ça. En revenant donc sur la création. Oui. C'est que Dieu, lui, il existe déjà. Oui. Comme il a toujours existé. Oui. Il fait sa première œuvre qui vient à l'existence, qui est Jésus-Christ. Oui. Et maintenant, avec cette... Ça, c'est selon votre interprétation. Oui, l'explication que moi, je suis en train de te donner. Oui. C'est l'explication que je donne. Voilà. On ne sait pas le nombre des milliards d'années qu'ils ont d'abord passé ensemble. Nul ne sait. Après, il commence à dire... Bon, je pense à la fameuse phrase qu'on aime beaucoup utiliser. Faisons l'homme. À notre image. Voilà. Déjà, on comprend que une personne s'adresse à une autre personne. Rien que cette phrase-là. Faisons l'homme à notre image. Voilà. Et en récitant le proverbe qu'on a eu à citer, il dit quand il faisait ceci, quand il faisait cela, quand il faisait cela, quand il faisait cela. Pour le tomber. C'est pour ça maintenant qu'on revient donc en Jean. Pour revenir sur. Non, tu as pris un exemple par rapport à la maison junior et les ouvriers. Je veux que tu arrives dans ta démonstration, juste que tu me montres finalement qui a créé les êtres humains et autres là. Je veux que tu me dises soit c'est Jésus qui l'a pratiquement qui l'a fait. Ou comme parce que tu parlais de l'ordre et la mise en pratique. Quand tu parlais de la maison. Dans la création maintenant, là, entre Dieu et Jésus, qui a finalement fait quoi? Dans la pratique. Qui est passé à l'œuvre. Dans la pratique. Dans la pratique. C'est vrai une chose, ce que je ne veux pas te dire, c'est que la Bible ne dit pas. Oui. Ça, je ne veux pas le dire. La Bible ne dit nulle part que c'est Jésus qui a pris la terre. Et fait l'homme. Il a commencé à faire l'homme. Faire l'homme. Puis peut-être Dieu s'est même venu souffler. Bon, ça, je ne veux pas. La Bible ne dit pas cela. Ne dit pas cela. Mais la Bible dit qu'il l'a fait, Alex. Mais quand je lis dans la... Non, je ne vais pas dire ce que la Bible ne dit pas. Non, non, dis-moi. Je suis en train de dire que la seule chose que c'est dans la Bible, il y a deux termes qu'on étudie dans la Bible. Oui. Hmm? Oui. Il y a la bile ouvrier. Oui. Le terme habile ouvrier. Mais attention, attends, il est là-bas dans ces proverbes-là, il n'a pas dit qu'il est habile, il est comme. Donc il pense que c'est là-bas comme, c'est là, il y a le mot comme. Comme un habile. C'est pour que dans notre contexte humain, que nous puissions comprendre quelque chose. Comprendre, c'est pas pour dire qu'il est un hébreu ouvrier, on dit qu'il est comme. Comme c'est un habile ouvrier. Oui. Voilà. Bien, non, comprendre, mais peut-être bon, pour que ça soit plus clair dans mon esprit, je comprends une fois qu'il est ouvrier. Oui. Là, c'est plus clair dans. J'enlève le comme là, je mets habile ouvrier pour que ça soit clair. Ok, dans ton esprit. Non, non, si tu enlèves, c'est ton problème. Non, non. Non, c'est le son droit. S'il enlève, il sait pourquoi il en est enlevé. Quand tu enlèves, déjà, quand on dit comme, comme veut dire. C'est une comparaison. Une comparaison. Pas une certitude, pas ce qui est. Pas qu'une certitude. Donc, accordons-lui ça et qu'il continue dans sa démonstration. Continue. Les comparaisons dans le. Sinon, on va encore tirer long à la. C'est toi qui t'attardes sur un mot. Non, je ne suis pas attardé. Je suis attardé parce que, regarde, n'est-ce pas, Alex, toi et moi, nous sommes des prédicateurs. Quand tu cites quelque chose qui n'est pas vrai, je suis en droit de te dire non, c'est pas comme ça, c'est plutôt comme ça. Et puis, on avance. Je t'en ai dit qu'on ne l'a pas appelé. Comme par exemple, on dit que l'esprit s'est descendu sous la foule comme une colombe. Ça ne veut pas dire que l'esprit c'est une colombe. L'esprit saint, c'est pas une colombe. Voilà, c'est pour ça que j'en ai dit que c'est une figure de style qu'on représente quelque voilà. chose. Voilà, alors dans ce, c'est la même chose qui est dit là-bas que oui, c'est. Oui, mais c'est pas c'est toi qui veux t'arrêter sur un petit détail qu'on aurait dû passer avancer. Il dit, okay. Donc je veux que tu arrives jusqu'à la conclusion parce que tu as pris l'exemple sur moi et une maison qu'on aurait construite et que je donne à un ingénieur, par exemple, de le concevoir. À la fin, on va dire que c'est la maison de Junior que Junior a construite. Pourtant, c'est pas moi qui suis passé à l'œuvre. Je veux que tu l'appliques dans cet exemple. Sur le plan spirituel par rapport à Jésus, Dieu et l'ouvrage qui est la création. Si on revient sur Jésus et Dieu et l'ouvrage, en attendant que Michel va lire son verset, qu'il a trouvé un verset. Voilà. En attendant qu'il lise son verset, mon Dieu, quand je lis Colossiens. Ici, là, c'est là où je vais t'entraîner. Voilà. Quand je lis Colossiens, par exemple, Colossiens lui dit ceci. Verset 15 et 16. 15, il est dit. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Oui. Bon, là, on avait évoqué ça, qu'il a d'abord existé, Jésus a été d'abord créé en premier. Non, on avait évoqué. Pourquoi on a parlé de ça et qu'on a tiré le d'accord? Parce que ce point, ce n'est même pas ce que la Bible enseigne. Donc, pourquoi ne tire pas avant seulement ce que tu veux faire? Ok, bon, la Bible dit seulement qu'il est le premier-né de la création. La Bible dit qu'il est le premier-né de la création, pas le premier créature. C'est différent, c'est deux choses différentes. Parce que premier-né, ça ne veut pas dire que c'est... c'est pas au sens de la, j'ai fait la solution en premier lieu parce que ne veut pas dire crier. Alors, avançons Alex, avance là où tu veux aller. on laisse tomber l'autre, ça risque avançons. C'est vraiment la philosophie parce que créer, création, naître, bon, moi je ne vois pas la différence parce que Dieu ne fait pas naître, n'accouche pas, Dieu lui crée. Bon, ok, bon, on va avancer. Okay, le deuxième né, c'est qui? Le deuxième né, c'est qui? Parce que c'est un premier et un deuxième, pas vrai? La Bible ne précise pas les deux. Alors c'est ça veut dire. Mais la Bible dit là que Jésus est la première créature. Dieu n'a que créé. Attendons. Où est-ce que la Bible dit que Jésus est la première créature? Où est le verset biblique qui le dit? Attends, tu veux qu'on le nomme Jésus? Non. Je dis que. Où est-ce que la Bible déclare qu'il a été créé? Ce qu'il veut dire? Qui? Jésus. Et le verset 15, on parle de qui? Non, lis donc, on dit qu'il est l'image de Dieu. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute création. Voilà. Où est-ce qu'on dit qu'il est créé? On dit le premier-né de toute création. Ça ne veut pas dire qu'il est la première créature, Alex. On n'a pas dit qu'il était premier. On a dit que le premier-né de toute création. Maintenant, j'ai tenté de citer le psaume. Il dit dans le psaume que je ferai de toi le premier-né d'entre plusieurs fils de la terre. C'est ce que la Bible déclare dans le livre du psaume. Quand il dit que je ferai de toi, on dit clairement ici Jésus-Christ est. Comment il va faire à nous mandonner encore de Jésus-Christ premier-né, premier-né dans de plusieurs rois élevés de la terre. C'est ce qu'il dit dans le livre du psaume. Quand tu reviens dans le psaume, il dit je ferai de toi. Je ferai de toi. Oh, Dieu a parlé de ça. Il dit je ferai de toi le premier-né élevé parmi les rois de la terre. Et c'est ce qu'on a lu dans le psaume. Là, maintenant, dans ce psaume, il est question des humains. De qui ça? Dans le psaume que tu viens de lire, non, il est question de qui? Je ferai de toi des rois. Non, je dis que. Non, moi, question de Jésus. On parle de Jésus, là, parce que Jésus sera le premier des rois élevé de la terre. Premier, il a appris le premier-né. Ok. Élevé parmi les rois. Je vais donc expliquer, peut-être, on pense à terre. Dans une question des humains. Oui. Je suis en train de dire qu'encore Alex. Non, nous ne sommes pas de la création. Non, attends, les humains ne sont pas les premiers à être créés. Attends, non, je regarde bien, n'est-ce pas hein? Je n'ai pas dit que dans le psaume, on ne dit pas qu'il est le premier créature. Voici l'expression, il dit que je ferai de toi. Psaume est écrit longtemps après la création. Mm-hmm. Et dans ce psaume, Dieu en a dit que je ferai de toi. Donc ça veut dire que quand David a écrit ce psaume-là, la chose qui va se passer, c'est encore devant David. Mm-hmm. Or, ici, dans ces Colossiens-ci, on dit que Christ est son état. Il est l'image de Dieu invisible. Donc ça veut dire qu'il a toujours été l'image de Dieu invisible. On dit donc le premier né de toute la création. Ok, comment il est le premier né de toute la création? Comment? Jésus est la première créature. Ça, c'est dit en relation. C'est un texte qui parle de ça. Tu peux ouvrir si tu veux. Mm-hmm. Relation, je peux que 3 versets 14. Oui, allons-y. Relation 3 versets 14. Tu peux finir, mon cher. Donc là-bas dans le verset, je vais trouver ce que tu écris à l'ange de l'église là, c'est voici celui qui dit le commencement de la création. D'accord mon cher, c'est ce qui est écrit là-bas, le commencement de la création de Dieu. Il n'est pas dit qu'il est le premier créature. C'est ce qui est écrit. Mais le commencement de la création. J'ai comme impression que on allait faire le langage des sourds. J'ai dit hein. Mon cher Michel, tout à l'heure quand nous lisions Jean chapitre 1, il était question de quel commencement? Tu as vu qu'il y a un problème, n'est-ce pas? Il dit dans Jean chapitre 1, verset 1. Jean chapitre 1 dit qu'au commencement, n'est-ce pas? Dieu était avec la parole. C'est quel commencement? C'est le commencement de quoi? Mais, au commencement de la vie. De quelle vie? Mais, Alex, j'espère que il faut que tu me suives ma question. Mm-hmm. Dans cet Apocalypse chapitre 3, verset 14, la Bible déclare que écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit, il d'abord dit l'Amen. Il dit, voici ce que dit l'Amen. Le premier, le commencement de la création de Dieu. Il n'a pas dit la première créature de Dieu. Ça n'a pas de sens. Il dit ceci. Okay. Dans quel commencement de Dieu. Ok, oui. Voilà, moi je vais aussi. Alors, on dit. Mm-hmm. Et l'ange de la congrégation. Frère Junior. Qui est à l'Odyssée. C'est quoi? Écrit. Voici les choses que dit l'Amen. C'est quoi? Oui. Amen, ça veut dire, Amen, ça veut dire que la conclusion est le dernier. Amen, c'est un de ses noms. Oui. Ainsi soit-il. Mm-hmm. Le témoin fidèle. Oui. Regarde encore l'autre mot. Voici encore l'autre nom. Et dans le psaume, je peux t'amener le psaume. Tu vas voir que le témoin fidèle, c'est Dieu. Ouais. Mm-hmm. Avance. Allô? Je suis pas sûr que Dieu témoigne quelqu'un. Le couple là, je vais pas dire. Il va témoigner qui? Ok. Non, je vais allons-y. Non, continue, je te suis. Continuons. Il faut juste savoir dans quel contexte il est dit, parce que moi, il faut que Dieu le passé. Mm-hmm. Il témoigne pour lui-même. Non, mais attends, tu as dit, c'est vous, quand, en prenant le nom de témoin, je vais dans Jean, chapitre dans Esaïe 43, verset, il vous a dit que vous êtes mes témoins, non voilà. Comment tu dis que Dieu ne témoigne pas quelqu'un? Tu dis que Dieu a dit que vous êtes mes témoins, vous avez pris le nom là-bas, que vous êtes les témoins. Vous avez dit que c'est là où nous avons pris le nom de témoin de Jéhovah. Nous témoignons, Dieu ne se témoigne pas. Mm-hmm. Dieu n'est pas le témoin. Ok, donc fini par rapport. Dieu n'est pas le témoin. Non, Junior, s'il te plaît. Ok, lis. J'ai ça devant moi. Avec toi, nous plus précisément, les choses sur le témoin et sur le commencement. Mm-hmm. Non, non. Tu t'arrêtes. On lit là, tu t'arrêtes. Tu viens de citer le nom. Tu as dit à la main. Après, tu as dit le témoin. Oui, non, avant, le plus important, c'est on dit le commencement de la création. Amen. Moi, Michel, il va parler d'abord, c'est toi qui as lu le verset. Parce que regarde, il a lu le verset parce que j'ai fait sur lui. Il a dit que où est-ce qu'on a dit que Jésus est la première créature? C'est là où il a cherché, il a arrivé sur la première. Comment est-ce qu'on peut dire que c'est lui le commencement de la création? Non, en fait, regarde l'espoir. Hein. On va procéder ainsi. J'ai dit que montre-moi un verset biblique qui dit que Jésus est la première créature. Tu as pris ça pour m'expliquer. C'est à toi de m'expliquer, c'est pas à moi d'expliquer ce que tu as appris. Moi je demande ce que toi tu as appris. Commencement de la création. Si je dis comment, qu'est-ce que j'entends par commencement de la création? Ça veut dire que c'est lui qui est l'auteur de la création. Donc ça commence par lui. Parce que la Bible déclare dans Jean chapitre, je commence encore. Dans Jean chapitre 1, on dit que tout a été créé par lui et pour dans le livre de Jean. Chapitre 1, quand on parle au commencement, la parole était un Dieu dans votre version. On dit que toute chose est venue à l'existence et rien de ce qui existe n'est existé par lui. Donc celui qui est l'auteur. Là-bas, on a parlé de l'auteur de la création. Non. Qu'est-ce que toi tu entends? On ne parle pas de l'auteur. Oui, attends, un peu, oui, tu dis. On ne peut pas parler de Jésus ici quand nous mettons l'auteur de la création. Donc, attends. Non, Alex, s'il te plaît, c'est lui, non, c'est entre lui et moi. Parce qu'il ne faut pas qu'il dit qu'on le touffe. Donc, tu m'as dit, j'ai répondu à ma façon. J'ai dit que Apocalypse chapitre 3, verset 14, parle de Jésus quand il dit que le commencement de la création, ça ne veut pas dire qu'il est la première créature, ça dit qu'il est l'auteur de la création. Tu dis non. Toi, tu dis que c'est quoi? On a parlé de quoi? On parle du commencement de la création. C'est-à-dire quoi? Il y a toute première créature. Ok, c'est ce que tu as en train de comprendre. Qu'est-ce qui te pousse à comprendre ça comme ça, de cette façon? Exemple. Mm-hmm. tu es un père, n'est-ce pas? Un père d'enfant, vrai ou faux? Ton fils, je ne sais pas comment il s'appelle, mais quand on le voit dehors, tu sais, le commençant de... Non, on ne peut pas dire ça, on n'a jamais dit ça de mon fils. Reste dans la Bible, parce que chaque fois que vous sortez la Bible, on va encore se tirer. Tu m'as posé la question. Dis-moi. Tu as posé la question. Si on voit comme ça, c'est quelqu'un comme ça, que sa femme avait accouché un autre élément. Et ce qu'on a de voir, le commencement, c'est lui. Donc fais attention, ne prends pas de bêtises, des choses comme ça. Revenons. Michel, celui qui a pris le verset, il faut qu'il lui mette l'esprit. Non, moi je vais l'aider. Comment tu vas l'aider, Alex? Il va dire tout à l'heure que. Regarde, ça va encore faire qu'on va aller de cette chance et tu ne pourras pas parler. Ok, je reviens sur ce qu'on a dit. Oui. Révélation chapitre 3, verset 14. Verset 14. Oui. La partie qui nous intéresse, bon, je lis les deux parties. Oui. Et l'ange de la congrégation qui est à l'Odyssée écrit. Voilà. Voici les choses que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Je m'arrête d'abord. Voici les choses que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable. On dit les choses que dit l'Amen, cet Amen qui est le témoin Amen. Fidèle et, oui. Et véridique. Et véridique. Amen. Le commencement oui. De la création de Dieu. Absolument. On dit bien. Absolument. On fait si bien. Le commencement. Donc, ce témoin fidèle est quoi? C'est le commencement de la création de Dieu, Michel. Qu'est-ce qu'il faut encore, Junior? Qu'est-ce qu'il faut encore dire? On explique. La Bible, elle est claire là-dessus. Je relis encore. On dit, et l'ange de la congrégation qui est à l'Odyssée écrit. Voici les choses que dit l'Amen, le témoin fidèle et véridique. Mm-hmm. Le commencement de la création de Dieu. Donc cet Amen qui est le témoin, qui est fidèle, qui est véridique, qui est le... Il est quoi? Il est le commencement. Donc cet ange-là qui est en gloire, en même temps, il est le témoin fidèle. Attends, tu viens de dire cet ange-là. Tu parles de qui comme ange? Je reprends d'abord un peu. Oui, oui. Ça, c'est l'ange qui est la congrégation de l'Odyssée qui est en train d'annoncer à Jean. Mm-hmm. Et maintenant, l'ange de la congrégation de l'Odyssée dit à Jean que voici maintenant, il vient parler au nom du témoin. Hein? Mmh. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle. Il en train de dire les choses que l'Amen, celui qui est Amen, c'est que Amen a dit. Amen a dit. Mmh. Amen qui en même temps. On désigne donc cet Amen, c'est Amen comme le témoin, le véritable et le commencement de la création de Dieu. On est sur le commencement de la création de Dieu. Et cet Amen à la fin, on dit donc cet Amen, ce fidèle, ce véridique, est quoi? Est le commencement de quoi? De la création de Dieu. Oui, qu'est-ce que veut dire le commencement? On revient encore là-dessus. Tu es en train de comprendre que le commencement de la création de Dieu, ça veut dire que jusqu'à la première créature. Ok, maintenant. Parce que même dans le verset de Philippiens, chapitre 4, verset 3, oui. Il précise là que il est dit, lui, je t'en prie, aussi véritable compagnon de labeur, continue d'aider ces familles qui ont lutté côte à côte. On peut s'arrêter à ce niveau-là. Il appelle Dieu ici. Véritable compagnon. Non, c'est pas Dieu. Il a de parler des femmes qui ont lutté avec lui. Je recommande encore, regarde. Fais attention. Quand tu prends la Bible. Aussi, oui. Véritable compagnon de labeur. Il a de parler au fil, à quelqu'un qui a de s'adresser la lettre. Il appelle véritable compagnon. Attends, j'ai dit rien. Si tu as la Bible comme ça, là, je ne basine pas contre toi la Bible comme ça. Non, il peut faire la Bible. Comment il dit que je dis non? L'apôtre parle de décrire un être humain parce qu'il y a dans la congrégation deux femmes qui ont des problèmes. Okay. Et il demande à ces personnes-là, aide ces sœurs-ci là. Toi, il t'en prie, toi, véritable compagnon. Donc, ne prends pas véritable comme ça à dire. L'apôtre n'écrit pas la lettre à Jésus. Il a décrit à un être humain dans une congrégation où il y a deux femmes, Saint-Tiche et l'autre qui ont des problèmes. Il a dit que aide-les, toi, fais ta compagnon. Tu m'as aidé. Non, il faut se voir quand tu as décelé qu'il y a eu un. Non, je lui dis que ce n'est pas. Je lui dis que ce n'est pas ça. Il dit santé à dire non. Donc pour la Bible, je ne basis pas avec cela. Je croyais peut-être qu'il voulait amplifier encore sur le commencement, mais il a pris encore. Je ne peux pas un embranchement. Donc là-bas, on ne parle pas de Jésus là-bas, ni de Dieu là-bas dans ce verset. Mais quand même, sur un junior, s'il te plaît, pardon. Il faut que tu sois par moment sincère, oui. Un temps soit peu. Oui. Hein? Lorsqu'on vient de lire, le commencement de la création de Dieu, lorsqu'on vient de lire ces choses-là, d'office, moi en lisant ce verset biblique, je comprends non l'Amen. Oui. Non, il est question ici. Le point final est le commencement. La personne qu'on appelle Amen est le commencement de la création de Dieu. Donc ça veut dire que parmi les choses que Dieu a créées, en termes simples, je vais dire ici, parmi les choses que Dieu a créées, cet amen est la première des choses. Ok, Alex. Alors, tu dois faire venir en existant, on veut ou faut. Non, attends. Analysons, on regarde, n'est-ce pas? Si je le prends comme ça, là, il brûle, arrête quelque part. Regarde, quand nous prenons, n'est-ce pas, mon cher Alex, il faut qu'on aille dans la Bible, on voit la chose dans la totalité. Par exemple, si je dis ici, ferme Apocalypse, n'est-ce pas? Si je ferme Apocalypse, il n'y a pas qu'Apocalypse. Est-ce que tu peux me montrer jusque quelque part comme étant créé? Tu ne peux pas montrer. Maintenant, je prends donc ceci, je pose la question que je vais me poser maintenant, c'est ceci. Si ça me cause problème, si le commencement de la création de Dieu me pose problème, je vais poser la question, qu'est-ce que veut dire le comment, le commencement? C'est le commencement de quoi? On dit le commencement de la création de Dieu. Alors, dans Jean chapitre 1 qu'on a pris aujourd'hui là, Jean chapitre 1, on dit qu'au commencement était la parole. Qu'est-ce que commencement? On dit et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc ça veut dire que les deux étaient au commencement. Maintenant, voilà donc le problème qui s'oppose. Voilà. Oui. Maintenant, le mot commencement là pose aussi un autre problème. Voilà. Oh, on sait dans la Bible. Dans la Bible, tu sais très bien que chez Dieu, Dieu, oui. L'être Dieu. Le terme, oui. Ce mot, commencement n'existe pas. Voilà. Pour lui. Donc ça veut dire que c'est dans le contexte. Ça veut dire que c'est dans le contexte humain. C'est dans le contexte du début. Non, pas contexte humain. Enlève-le. Tu as étudié le mot contexte du début. Oui. Pas contexte de l'humain. Non, le contexte. Si tu n'as pas le contexte humain, c'est pour dire que pour que l'humain comprenne quelque chose par rapport au point de départ. Non, pas c'est pas l'humain. Non, pas que l'humain. Ok, qu'est-ce que tu veux dire, Alex? Ce que je veux par là dire, il dit ceci. Que pour ce qui est de Dieu, oui. Le mot commencement. N'existe pas. Ok, dans ce cas, ça veut dire que tu vas m'expliquer Jean chapitre 1 maintenant vraiment clairement. Quand on dit donc au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Okay. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que lorsque Dieu commence à créer. Donc quand Dieu crée, Jean là, Jean, c'est la partie de la première où il est question de la première action créatrice. Posé par Dieu, c'est ça qui est rapporté en Jean chapitre 1, verset 1. Ok, donc, dans ce cas, n'est-ce pas? La première action. Ça veut dire que ça suppose donc que la première action, comme tu en avais dit, c'est, donc si j'ouvre la Genèse, lorsqu'on voit la première manifestation de Dieu, c'est ça que Jean est en train de parler. Il dit, n'est-ce pas? Hein? D'après ce que tu en avais dit, tu en avais dit que la première action créatrice de Dieu. Hein? Ça veut dire que c'est ça que Jean est en train de rapporter dans Jean chapitre 1, d'après ce que tu en avais dit. Ça suppose que si j'ouvre la Genèse, on dit au commencement, c'est encore le même mot qui est écrit là-bas. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Non, c'est pas la même chose. Ah. Non, toi, tu sais très bien que c'était pas la même non, chose. Non, là, je dis non, je ne prends pas parce que tu allais dire. Tu allais dire si j'ai posé la question que, n'est-ce pas? Tu es d'accord que c'est pas la même chose là-bas, non? Non, attends, je ne sais pas. Je vais dire ici, n'est-ce pas? Jean chapitre 1, le verset 1 dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était un Dieu, dans votre version. Je pose la question de quel commencement? Tu dis. C'est la manifestation de. Ça veut dire que c'est le moment où Dieu a commencé à faire à l'action par rapport à la création, par rapport à l'univers et ainsi de suite. Tout ce qui existe. Ok. C'est la première action. Donc ça veut dire que d'après cette action-là, quand on lit la Genèse au chapitre 1, ce n'est pas cette action qui est là-bas. Non, ce n'est pas la même action. Donc ça veut dire que le commencement de Genèse chapitre 1 remonte plus haut que le commencement de Genèse chapitre. Donc d'après toi, le commencement de Jean chapitre 1, verset 1 remonte plus haut que Genèse chapitre 1, verset 1. Effectivement. Ok, maintenant. Je confirme. Dans ces commencements, donc, si on prend dans ce cas, rentrons dans l'état avant que Dieu ne crée. Ça veut dire qu'on se situe avant que Dieu ne commence à créer comme dans Genèse là. Dans Genèse chapitre 1, verset 1. On se situe un peu plus haut. Le commencement est encore plus derrière. Ok. Dans ce commencement, on dit que la parole était avec Dieu et la parole était un Dieu. Donc c'est depuis ce temps-là qu'il avait été. Or, depuis ce temps-là, il n'y a nulle part dit qu'il y a eu une action de Dieu qui l'a créé. Alex. Parce que l'action de la création du globe terrestre et autres, l'univers et autres, c'est dans Genèse chapitre 1. Et tu viens de dire que Jean chapitre 1, verset 1, remonte plutôt, plus haut. Et là, en ce sens-là, je suis d'accord avec toi. Donc, dans cette action qui est plus lointaine par rapport à Genèse chapitre 1, on dit que Jésus était déjà là, était un Dieu. Or, il n'est nulle part dit dans ce commencement-là qu'il a été créé. Le mot qu'on retient, oui, ce commencement. Dans Jean, oui, hein, oui. Tu sais très bien, le mot à retenir là, c'est le mot commencement. Voilà. Et toi et moi, je reviens encore sur une chose qu'il vient de dire. Et toi et moi, on sait très bien que chez Dieu, oui. Le commencement n'existe pas. Je suis d'accord avec toi. Dieu n'a pas de commencement. Voilà. Alors, s'il est donc. Maintenant, la question qu'il faudra. Comment comprendre donc ce commencement? Maintenant, il faudra comprendre de quel commencement il est question ici. Dans la maison là. Oui, dès que commencement, donc réponds-moi au commencement. Il a un verset. Il a trouvé le verset de Proverbe. Le verset particulièrement. Chapitre 8 toujours. Oui, chapitre particulièrement le verset 22. Parce qu'on est en train de parler de ce commencement intérieur antérieur à celui de Genèse chapitre 1 verset 1. Lui aussi 22, ce qu'on dit, oui, allons-y. Le verset 22. Sachant que j'étais déjà parlé de cela, et tu as apporté un gros livre ici. On avait effectivement ce qu'il avait dit, c'était vrai. Non, ce n'est pas de ça qu'on avait parlé. Ok. Lisons-le alors le verset 22. Jéhovah lui-même m'a produit comme le commencement de sa voix. Oui. La plus ancienne de ses œuvres d'autrefois. Oui. Bon. Ok. Dis-moi. L'entité dont il est question ici. Là, on a la personne. Ne prenons pas aspect. La personne dont il est question ici. Oui. En ce proverbe. Oui. C'est la même personne qu'il est question en Jean chapitre 1, le verset 1. C'est Jésus. Et c'est la même personne qu'on retrouve en Révélation, chapitre 3, verset 14. Je suis d'accord avec toi. Mais tu es d'accord avec moi, pourquoi on se discute depuis là? Alex, regarde, j'ai l'impression que la Bible, la parole de Dieu est vérité. Je ne peux pas tourner la parole de Dieu. Il s'agit de Jésus. Le problème maintenant, c'est que je veux que tu m'expliques le commencement. Tu as dit les commencements des gens. Les gens sont différents de l'autre commencement. Et ici, on est en train de parler de la personne de Jésus-Christ. On ne parle pas du commencement, de son commencement à lui ici. On parle des œuvres que Dieu a faites. Et là, je vais parler. Et la dernière fois, vous avez pris ça, vous avez pris dans Luc second, on dit que l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. C'est ce qui est écrit là-bas. Je t'ai dit que le verbe hébreu qui est écrit là-bas, ce n'est pas le verbe créer. Lorsqu'on lit dans Hébreu chapitre 1 de Genèse, l'hébreu écrit Bereshit bara Elohim. Le mot c'est bara. Le verbe grec qui est écrit, le verbe hébreu qui est écrit dans Proverbe chapitre 8 verset 22, c'est pas bara, c'est kana. Ça veut dire que posséder. Et au chapitre 1, on dit que la sagesse n'écrit-elle pas, le verset 1 du chapitre 8 dit la sagesse n'écrit-elle pas. Lorsqu'on commence, on voit que c'est la personnification de la sagesse. Et il s'agit de la personne de Jésus. Donc, Dieu donc aurait créé la sagesse? Non. Tu vois un peu, n'est-ce pas? J'avais amené même. Ouais, et on avait dit que c'était Cana. Qui avait bien expliqué ça. On était même Cana, n'est-ce pas? Mais tout concordait toujours dans la même logique qu'on est en train de défendre. Je dis ici encore. Dieu, dans le Proverbe chapitre 8, il s'agit de la. D'abord, premièrement, il s'agit de la sagesse personnifiée. Tu vois un peu, Junior, hein? C'est pour ça que j'aime souvent circonscrire parfois les débats. Donc, il est sorti. Il est bien aujourd'hui que ne fait pas de sortir. On a sorti. On est au niveau de. On a lu le texte de. Non, on est au niveau du commencement. On est au niveau du commencement. On a juste. On n'a pas lu le proverbe. On a pris le verset 22. Hein. Oui. On a pris le verset. Mais il y a un problème là-bas parce que le verset 22 ne parle pas du commencement des gens chapitre 1. Okay. En fait, je veux voir ce qu'il veut dire. Voir ce que je vais dire, n'est-ce pas? Que tu veux le quoi, tu ne veux pas le quoi. Jésus a été créé. Et c'est la première œuvre, la première action créatrice posée par Dieu. Ça a été la création. Ok, je pose une question, n'est-ce pas? Je vais avancer dans ce domaine-là. Qui a créé les anges? Qui a créé les anges? C'est Dieu qui a créé les anges. Si je lis partout dans le psaume ici, on dit clairement que c'est Dieu qui a envoyé son souffle. Le souffle a créé tout. Toute vieille chose vient à l'essence. C'est lui qui l'a créé. Il dit que personne n'a été à côté de lui. Si je lis ça dans la Bible, si, qu'est-ce que tu vas dire? Où Dieu dit clairement que c'est moi qui les ai créés, toutes ces choses, c'est moi qui les ai créées et nul n'a été avec moi. Non, la Bible, ça se contredit. Ça veut dire que quoi? Non, moi, parfois, je veux un peu que tu m'expliques souvent certaines choses. Je vais poser la question autrement. Le but même, la question qui est posée, c'est avant que tu aies sorti pour essayer d'expliquer avec l'exemple. Alex, toi qui es devant moi, c'est Dieu qui t'a façonné ou bien c'est Jésus? C'est Dieu qui m'a créé. Donc maintenant, quand la Bible déclare que Jésus a créé toutes les choses qui sont dans les cieux, trône, dignité, dimension visible et invisible, on parle de quoi? Il y a deux créations. Il n'y a pas deux créations. Alors finalement, qui a créé? Jésus ou bien Dieu? C'est Dieu qui a créé. Ok, regarde, voici Colossiens, voici votre livre. Je suis dans Colossiens, chapitre 1, je vais lire le verset 16. On dit que parce que par son moyen, toutes les autres, vous avez mis autre, entre guillemets, entre crochets. Et l'explication que vous avez entre crochets, c'est que les mots sont ajoutés pour que le sens soit ressorti. Je vais lire cela sans autre. Et tu vas voir effectivement ce qu'il a dit. Tu lis avec autre. Maintenant, on dit, parce que par son moyen, toutes les autres choses ont été créées. Dans les cieux et sur la terre. Les visibles, les invisibles, que ce soit trône ou seigneurie ou gouvernement ou pouvoir. Toutes les, entre guillemets encore, les autres ont été créées par son intermédiaire et pour lui. Ça, c'est votre version. La version dit ici, même dans la version King James, la Bible déclare que car tout a été créé par lui, trône par lui, lui aimé pour l'image de Dieu invisible, donc Jésus. Car tout a été créé par lui et pour lui. Ça confirme encore Jean chapitre 1, verset 2 qui dit que car sans elle, la parole, parce que elle qui a quoi appelé la parole, que tout est venu à l'existence par elle. Alors, on dit clairement là-bas, et dans Genèse, et dans Apocalypse, et dans ceci, que c'est Jésus qui a créé. Donc toi, c'est Jésus qui t'a créé, pas Dieu. Le problème, c'est lequel? On y va, tu viens toucher parce que tu en as les 10 ici, n'est-ce pas? Mm-hmm. Tu en as les 10 ici. Tu en as dit que Dieu, il y a un Dieu qui a créé Jésus. Junior, mm-hmm. ne nous amène pas un peu. Non, je n'amène pas, c'est toi qui l'as dit. Mon problème, je me suis écouté un peu bien, monsieur. Dans mon débat, dans mes explications, mm-hmm. je ne suis pas en train de dire, on n'est pas entré en profondeur qui a créé qui mm-hmm. d'entre les humains. Mm-hmm. Ce n'est pas là le problème. Mm-hmm. Hein? Notre véritable. Hein? C'est au niveau des deux personnes, Dieu et Jésus. Notre fondement même, c'est entre Dieu et Jésus. Jésus. Voilà. Non, on ne veut pas savoir. Ce que la Bible nous dit, ce qu'on cherche à savoir, oui. c'est est-ce que Dieu a créé Jésus? Voilà le problème. Je ne veux pas savoir voilà. si c'est Dieu ou c'est Jésus qui m'a créé. Là n'est pas le débat. Non, mais d'ailleurs, on pourrait aussi faire ça un autre jour. Uh-huh. Mais pour le moment, oui. ce qu'on veut savoir, oui. C'est de savoir est-ce que l'être Jésus a été créé par Dieu bon. Ou bien les deux ont existé comme voilà, bonne question. Comme tu as circonscrit cela maintenant, essayons de répondre, d'accord mm-hmm. Tout en restant en gardant, comme on a lu Révélation, et Révélation. Tout les... Voilà, et tous les autres versets. Mm-hmm. Ok, maintenant. Parce que ce qui nous a conduit là-bas, c'est Jean chapitre 1, verset 1. Et on va toujours encore tourner autour. Je te pose donc la question en tant que prédicateur, quelle est la nature de Jésus? C'est un ange. Jésus. Mm-hmm. Sa nature, c'est quoi? Il a une nature angélique. On peut qualifier de Jésus mm-hmm. de plusieurs natures. Mm-hmm. Hmm? Oui. Je peux dire de nature angélique. Oui. Je peux dire de nature. Bon, c'est, on englobe tout ça, on dit de nature divine. Quand tu appelles, quand tu entends par nature divine, est-ce que, par exemple, ce que tu as dit là, est-ce qu'il peut dire de Gabriel qu'il a la nature divine? Gabriel. Déjà, pour comprendre des choses. Oui. Tel que moi, je le comprends, les choses spirituelles. Ouvre ceci, à la page 118. Parce que c'est ici dont on parle. Parce que vous avez identifié. Là. Mm-hmm. Donc, oui, il voulait dire, n'est-ce pas? Parce que tu as circonscrit la question. Mm-hmm. Que, est-ce qu'on veut savoir maintenant si Jésus a été créé? Le problème que vous avez deux dieux chez vous, c'est déjà réglé que vous avez deux dieux. Maintenant, la question maintenant, c'est au niveau non, de la personne. Non, bon, pas qu'on a. Non, je ne veux pas dire qu'Alex est venu dire ici la question. Non, tu as dit. Les démons, ils ont deux dieux. Non, tu as dit que pour le grand, vous adorez le grand, mais pas le petit. Non, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Alex, peut-être redis-moi ce que tu as dit. Pourquoi je ne dis pas ce que tu n'as pas dit? Non, j'ai dit que Jésus n'est pas Dieu. Point barre, c'est ce que j'ai dit. Non, tu as dit que Jésus n'est pas le Dieu créateur. Ce que je le confirme, Jésus n'est pas le Dieu créateur. Donc, mais il est quand même un petit Dieu. Si tu veux l'appeler. Non, si pas que je veux l'appeler. Non, si toi, tu veux. Non. Maintenant, il te laisse la liberté de l'appeler. Non, mais laisse la liberté. Je ne dis non, pas moi, le conformément à votre Bible, mon cher. J'espère qu'on se comprend. Non, que Dieu n'est pas que Dieu. Dieu. Voilà. Non, que Dieu dit que Jésus. Maintenant, tu vas encore. Tu vas. Entre les hommes. Non. Il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. La Bible déclare qu'il faut que toute personne soit dans la vérité. Tu dis que votre Bible ne dit pas ça. Voici la Bible qui dit. Au commencement, la parole était, et la parole était avec Dieu, et la parole était un Dieu. Et vous savez que la parole c'est Jésus, donc vous dites que Jésus était un Dieu. Tu me dis que votre Bible ne dit pas ça. C'est moi que tu me demandes pourquoi est-ce qu'il avait petit. C'est vous qui dites. C'est à vous de comprendre. Non, je comprends que vous dites donc. Un avec grand D, un avec petit D. Regarde, n'est-ce pas? Ce que je comprends, c'est ceci. Non, je ne dis pas que les deux sont les mêmes. Ce verset, il ressort clairement qu'il y a un grand Dieu et un petit Dieu, oui ou non? Dans tous les cas, on ne peut pas appeler Jésus le nom de Dieu. Non, Dieu n'est pas un nom. Dieu n'est pas un nom. Et tu sais, tu es assez outillé pour dire que c'est Jéhovah qui est son nom. Il ne s'agit pas ici des noms. Il s'agit de l'appellation de titre qu'on lui a approprié. Vous avez donné ici, on dit au commencement, la parole était. Et la parole était avec Dieu. Ça, c'est Jéhovah Sisi. Et la parole était un Dieu. Donc, il y a Dieu Jéhovah et Dieu Jésus. C'est votre Bible qui dit, oui ou non? Alors, je me dis que si c'est si je veux. Voilà ce qui écrit noir et blanc dans ta Bible. Si tu veux, tu appelles comme ça. Ah, ok, maintenant, efface donc ça dans ta Bible. Alors, tu me dis. Efface alors. voilà ce qui dit que Jésus était un Dieu. Dans ta... Le problème, si c'était dans ma Bible, hein, je vais avoir des problèmes. Le problème, c'est que c'est dans votre traduction. C'est écrit. Non, c'est pas la définition là-bas. Je veux que tu admettes d'abord avec moi que Jésus est appelé un Dieu dans votre Bible. Qu'est-ce que vous qualifiez de Dieu? Il dit, hein? Toi, tu vas d'abord me répondre. Quel que soit. Non. Quand il s'agit de Dieu, Jéhovah, tu ne poses pas de questions sur le sens. Oui. Je vais d'abord que. Mon cher, il n'y a rien qui dans ces versets qui me dit que le premier est suprême. Il n'y a rien qui me dit. bien sûr, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Grande, ok, grande. Alors le petit devait dire aussi quoi, vous apporte à quoi? Moi je t'ai dit, attends, Junior, le Dieu suprême. Junior. Voilà, alors dans ce cas, je suis d'accord avec toi qu'il y a un grand D qui est suprême et un petit qui n'est pas suprême. Junior. Oui. À la liste de Dieu, c'est juste la peine. On ajoute encore Satan parce qu'il est toujours dans la liste. Non, j'ai dit. Dans la liste de Dieu, ajoute encore Satan. Non, je dis ceci. Nous sommes dans Genèse chapitre 1. Nous sommes dans. Comment tu dis qu'on est dans Genèse? On ajoute dans la liste Alex, de Dieu, on met encore Alex, Satan. Alex, ce n'est pas ma traduction. C'est la traduction du monde nouveau. Et tu as dit que c'est la traduction la plus fidèle. Il a dit ceci. Écoute bien ce qu'il a dit. Il a dit ceci. Que Dieu ne t'inquiète pas. Il a dit le principe de Dieu. C'est siècle, ce ne t'inquiète pas. Il a dit ceci quand même. Oui. Il a dit la définition de Dieu. Hein? C'est pas la définition de la Bible. Écoute, il a dit ceci. Dieu, ça dépend du sens qu'on veut donner à l'appellation Dieu ou à la définition. Jusque-là, ce n'est pas le problème. Et la même chose ici dans Jean chapitre 1. Mm-hmm. Ça dépend du sens que tu veux donner à ce texte. Donc, ça veut dire que la traduction du monde nouveau a traduit Jean chapitre 1 et a laissé libre cours à chacun de donner le sens qu'il veut. C'est ce que tu veux me dire? Ce n'est pas ça. Tu as dit que le mot Dieu dépend du sens qu'on lui donne. Un texte pareil à celui-là, n'est-ce pas? Oui. Chapitre 9, verset 6. Dans chez vous, oui. Car un enfant nous est né. Amen. Un fils nous a été donné. Amen. Et la domination princière sera sur son épaule. Absolument, on l'appellera. On l'appellera du nom de conseiller merveilleux. Oui. Dieu fort, Père éternel. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Oui. Dieu fort. On appellera. Non, attends. Laisse-le parler. Pourquoi on le qualifie de prince? Attends, regarde d'abord. C'est toi qui as pris le verset. C'est toi. J'ai fait tout et tout parce que je savais ce verset. Alex savait. C'est toi qui es allé là-bas. Là, on parle de qui? Cet enfant-là, c'est qui? C'est Jésus. Pourquoi ici on l'appelle Dieu avec grand D et sous vous avez mis ça avec petit D? Pourquoi ici on le qualifie de prince et pourtant maintenant on le qualifie de roi? Comment? On a aussi écrit conseiller. Regarde, avant de répondre à ta question, on a écrit d'abord, c'est même pas d'abord prince. On a parlé de domination, de maître prince, d'accord? Maintenant, on a d'abord appelé conseiller admirable, pas vrai? Ou montre-moi dans la Bible où on a appelé conseiller admirable, parce qu'on a dit qu'on l'appellera ainsi. Donc, c'est pour, ne tourne pas là-dedans. Je vais dire ceci. Si c'est pour conseiller, mais dans plusieurs versets, je peux ouvrir où tu veux. Dans le nouveau testament, tu peux me montrer un endroit. Montre-moi alors un seul verset. D'accord. Comme il y a plusieurs endroits. Je sais que tu vas regarder une référence à côté. Là, vas-y, débrouille-toi. Mais de toute façon, je vais dire ceci. Dans ces Esaïe chapitre 9, le temps que tu cherches, balade-toi si tu veux chercher et tu n'en trouveras pas de toutes les façons. Dans ces Hébreux, j'ai dit, montre-moi dans la Bible, dans le Nouveau Testament, quand il est venu, on l'appelait ainsi. Donc, je suis allé dire ceci. Il a pris Esaïe chapitre 9, verset 6. On dit que Jésus est appelé Dieu et là-bas, Dieu a appelé grand D. Vous, en ouvrant le Nouveau Testament, en écrivant ce même Jésus, vous mettez petit D maintenant. Donc, je ne comprends pas comment un temps Jésus-Christ dans. Tu n'es pas obligé de comprendre, Junior. Ok, c'est pas obligé de comprendre. Tu n'es pas obligé de comprendre les anciens. Tu n'es pas des bons de Jéhovah. Tu n'es pas obligé de nous comprendre. Non, Alex. Mais ceux qui veulent nous comprendre, la Bible aussi. La Bible aussi, n'est-ce pas? Vous sortez, vous entrez dans les maisons distribuées et j'en ai eu un exemplaire. Dans cet exemplaire de votre Bible, vous avez dit que c'est Sainte Écriture, les Saintes Écritures, traduction du monde nouveau. Donc, pour que je croie, il faut que je croie à ça pour entrer dans le monde nouveau que Dieu est en train d'inaugurer. Voici Esaïe qui l'a pris là. Si tu veux croire, attends un peu. On a utilisé, il y avait un thème qu'on a développé l'autre jour à l'Assemblée. Mm-hmm. On a dit un discours en plusieurs parties, en six parties. Non, mais tu ne trouveras pas, petit, ne te casse pas la tête, tu ne trouveras pas. Les qui hériteront du royaume de Dieu. De Dieu, voilà. Oui. On sort bien la liste de ceux qui ne vont pas hériter. Mm-hmm. Puis, on sort aussi la liste de ceux qui vont hériter. Mm-hmm. Parmi les gens qui vont hériter, parmi ceux qui vont hériter, il y avait un thème qui parlait comme des petits enfants. Utiliser l'expression comme des petits enfants. Déjà, Jésus, étant donné que ses disciples de Jésus avaient leur cœur, leur lui de leadership et tout, avec tout leur comportement qui ont toujours trait à la nature humaine et tout, Jésus a pris un petit enfant et l'a placé au milieu. Et que si vous n'êtes pas comme ce petit enfant, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume des cieux. Toi, tu es ici avec Josué. Il paraît que tu tapes Josué. Tu finis même de taper après, tu dis. Il vient toujours. Il vient, tu le portes sur les pieds. Oh, moi, si tu me tapes, ne tente même pas de m'adresser la parole. Jusqu'à ce que. Je suis d'accord avec toi, Alex. J'ai oublié. Bon, ok. C'est juste si j'ai pris cet exemple. C'est juste pour te montrer que. Le temps là, c'est où le père? Laisse-moi comme ça. Tu parles de notre. Si j'ai pris cet exemple, c'est juste pour montrer que. les affaires spirituelles, les affaires de Dieu demandent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humilité. Pour nous qui étudions déjà. Mmh. Et non seulement l'humilité, hein, on a aussi besoin beaucoup plus de l'esprit de Jéhovah. Mmh. Parce que c'est son esprit qui nous guide. Hein. C'est l'esprit de Dieu qui t'amène à comprendre. Hein. Il faut que à, Dieu. À l'instant qu'il parle, tu as l'esprit de Jéhovah. Mmh. Tu as son esprit. Sinon, je ne serais pas en train de faire ce que j'ai fait depuis de nombreuses années aujourd'hui. Non, non, il répond, tu as son esprit. Tu as son esprit. Oui, j'ai son esprit. Et il te permet de comprendre. Hmm? Il te permet de comprendre. Moi, donc, quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Jéhovah, votre Bible, vous m'avez donné votre Bible. Hmm. Je lis ici, crier un grand D, un petit D. Je dis, avec l'esprit de Jéhovah là, explique-moi pourquoi Jéhovah va appeler l'autre là. Un petit Dieu, c'est cela, c'est simple. Je t'explique tout simplement que, comme un enfant, tout simplement que, quand on lit la Bible, hein, mm-hmm. que ce soit ce verset et bien d'autres, on montre clairement que mm-hmm. Jésus-Christ hein, est inférieur. Bon, mm-hmm. en termes, c'est Jésus-Christ est inférieur à Dieu. C'est Dieu qui a créé Jésus-Christ. Mm-hmm. Et en le créant, donc, il a donné un certain pouvoir, une certaine autorité. Donc tu veux parler. En même temps, il est devenu, pas qu'il est, il est la personnalité, la deuxième personnalité de l'univers après Dieu. Hein? C'est Christ, Jésus. Non, tu peux bien dire, mais je t'explique. Non, mais la place que Jésus occupe dans son gouvernement. Dans son gouvernement. Okay, okay. Dans le dessin, même dans la Bible. Donc, étant donc quelqu'un qui est serviteur de Jéhovah et en son esprit, je dis donc que. Les témoins de Jéhovah enseignent qu'il y a un grand Dieu qui est le Dieu créateur et un petit Dieu qui est en dessous de lui qui est Jésus. Oui ou non? C'est simple. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, je ne vais pas te répondre. Oui. Comment je peux vous répondre? C'est vous qui enseignez. Michel, peut-être au moins Michel peut m'expliquer parce que moi, je suis un enfant, je veux comprendre. Non, Michel, moi, je ne te réponds pas. Les témoins de Jéhovah, toi aussi, tu as l'esprit de Jéhovah, je suppose, enseignent qu'il y a un grand Dieu et un petit Dieu qui est Jésus. Le grand Dieu, c'est Jéhovah qui est le créateur en qui tout pouvoir est. Je t'ai dit que c'est question de contexte. Si cela n'est pas suffisant pour toi, mais ok, ça veut dire que le contexte ici c'est quoi? Le contexte ici c'est quoi? C'est que quoi? Pourquoi on appelle Jésus Seigneur? C'est la. Comment? Seigneur. Non, mais Seigneur c'est différent encore. Tu en es de compliqué parce qu'on va encore en dedans. Dis-moi tout simplement pourquoi on l'appelle ici un Dieu? C'est la seule question que je pose depuis. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle? Pourquoi vous, les témoins de Jéhovah, vous avez décidé d'appeler Jésus un Dieu? Et ce Dieu-là est petit on Dieu. On l'appelle Dieu parce que après Jésus, c'est la deuxième. Donc après la toute première création. Mm-hmm. De Dieu. C'est lui. Tu peux dire que c'est lui qui suit. Suit Dieu. Donc, voilà l'explication. Étant donné qu'il est un prince, si on qualifie Jéhovah de roi, oui. Jésus est prince. Et c'est simple, c'est que Christ pouvait nous faire. Ok. Donc, comme Jésus, comme Dieu est roi. Prince, comme... C'est pour cela que, bon, un prince, c'est ceci. Ceci, on peut dire un Dieu parce qu'il y a certains dirigeants qui se connaissent pour des dieux. Non, laisse le contexte, mais ça, nous sommes dans le contexte spirituel ici. Là. Spirituel, mm-hmm. Même le spirituel. Donc, si tu comprends bien. Le roi est Dieu, tout comme son fils. Mais son fils n'est pas le inférieur Dieu de tout puissant. Non, je n'ai jamais ajouté le mot tout puissant. Oui. Il dit il reste seulement ici. C'est on a dit qu'il est un Dieu. Donc, Michel, tu enseignes aux gens qu'il y a un grand Dieu Jéhovah, un petit Dieu Jésus. Jésus est le fils de Dieu. Non, je dis, dans le contexte, c'est Dieu ou Dieu avec petit D. Donc Jésus est un Dieu. Vous êtes un professeur, votre fils est un père. Laissons le professeur, c'est écrit noir et blanc là-bas, c'est dans ta Bible. Donc, oui, quand il soit enseigné, c'est pas compliqué. C'est pas un thème de prédication qui va. Ok. Donc, puisqu'il est, que ce soit pas un thème, mais devant moi, je veux que tu me dises de sa bouche qu'il y a un grand Dieu et un petit Dieu dans la chrétienté. Je n'ai pas dit qu'il y avait un grand. Votre Bible dit qu'il y a un grand Dieu et un petit Dieu. Et le grand Dieu, c'est Dieu le Père. Le petit Dieu, c'est le Fils Jésus. Je t'ai dit qu'il y a cette question de contexte. Je t'ai expliqué plusieurs fois. Si on n'arrive pas à s'entendre. Tu ne me suis pas le contexte. C'est un autre jour que tu pourras comprendre. Ok, donc où tu vas me dire pourquoi on a appelé Jésus-Christ un Dieu? Ok, la deuxième chose que tu as dit, c'est là maintenant. Tu as dit que Dieu est roi et Jésus est prince. Pourtant, on appelle que Jésus est le roi du royaume. Qu'est-ce que tu veux dire? Et c'est moi qui dis que Jésus est prince. Non, donc tu veux dire par là que Jésus n'est pas roi. De proverbe, c'est moi qui dis qu'il est écrit dans la Bible. Tout comme ceci, c'est pas toi qui as écrit. Alors. Donc, je dis que ceci, n'est-ce pas? Alex, c'est voilà pourquoi il a posé la question tout à l'heure à Alex, pour qu'Alex va danser carnaval. Il a dit qu'il y avait deux personnes. Il dit que, ok, qui est le roi, le royaume du roi là? Il a dit que c'était Jésus. Maintenant, tu viens de me dire que c'était Dieu qui est le royaume. Donc, il y a deux rois dans le royaume que vous allez prêcher. Dis-moi, je réponds seulement par oui ou par non. Le royaume que vous vivez, que vous voulez que vienne entrer. Junior, toi-même, tu sais ce que nous prêchons. Non, non, tu le sais. C'est pour ça que je veux que vous m'expliquiez clairement. Tu sais ce que Alex, ton but, c'est de m'amener dans le royaume. Il faut que je sois sûr que là aussi, je vais jeter le royaume. Tu sais très bien ce que nous prêchons. Jésus a reçu une mission bien précise. Il a accompli. Mais nous parlons maintenant de ça. Non, Jésus n'a pas encore fini la mission. Je commence encore sur ce sujet. Je suis au niveau du roi. Je parle au niveau du roi. Oui, non, pas de. Quand tout est dit au niveau du roi. Il a dit que Dieu est roi, Jésus est prince. C'est ce qu'il a dit. Donc non, je ne vois pas ça. Jésus, ça m'intéresse beaucoup. Dieu est roi sur quel royaume? La Bible, bon, il est bien qu'il m'explique, mais ça m'explique dans la tête. Non, si tu ne sais rien, il n'y a pas de problème. Mais la Bible dit qu'une fois que Jésus aura. Ça, c'est 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 27. Une fois que Jésus aura soumis toutes choses. Toute chose, il se soumettra aussi. Il se soumettra aussi à lui. C'est pour ça que je l'appelle prince. C'est pour ça que les prophètes aussi l'appellent. Bon, je dis que c'est. Ça, les prophéties. Mon cher, est-ce que dans ces 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 28, on a parlé du roi? On parlait que lorsqu'on dit que toute chose lui a été soumis, il est accepté celui qui l'a soumis. Après que le roi fait telle chose, il va se soumettre aussi. Maintenant, je ne parle que ça au niveau du roi. Parce que le royaume, c'est justement quand il va réduire les gens en néant, c'est là où le royaume vient en manifestation. Ce qui veut dire quoi? On est d'accord? J'ai besoin d'accomplir une œuvre. Ou bien un ensemble d'œuvres. Oui. Je confie cette tâche-là, peut-être à mon fils. Et je lui donne ma place. Ok, pardon. Quand tu donnes ta place, tu es où entre temps? Mais je. Donc Dieu a donné la place à Jésus et il a quitté. Je suis son père. Oui. Donc je suis supérieur à lui. Oui. Alors, et Alex a dit considéré toujours comme tel. Non, non, mais je dis, tu as pris Genèse chapitre 1:41 aujourd'hui où tu as dit que clairement que le trône me différera de toi. Alex a dit aujourd'hui qu'au ciel il y a deux trônes. Il y a le trône de Jésus, il y a le trône de Dieu. Et le roi règne sur un trône. Je pose la question. Quand Dieu donne le trône à Jésus, il se lève de son trône, il fait asseoir Jésus sur son trône. C'est comment le roi là? C'est comment? L'intronisation se passe comment? Je t'ai dit que pour l'intronisation, Dieu a tout simplement donné. Donc, il a donné la royauté à Jésus. Et il n'est plus, mais, il n'est plus roi. Donc, c'est-à-dire, Dieu, si Dieu a donné la royauté à Jésus, il n'est plus roi. On est d'accord? Parce que, à moins qu'il me trompe, dans un royaume, il faut qu'il y ait un seul roi. Pas vrai? Finalement, je commence à voir les ménages. Qui tourne. Junior, sur ta question, on évolue pas. Sur ta question de roi, oui. Jésus, Dieu a confié une mission à Jésus. Oui. Une mission bien précise à Jésus. Oui. Et cette mission, Jésus a déjà accompli une partie. La première partie de la mission que Dieu lui a confiée. Maintenant, il doit maintenant accomplir la deuxième phase de la mission. La mission consiste en combien de phases? La mission consiste en combien de phases? La mission même en général. Mais on va peut-être diviser les phases après. La mission dans son ensemble, oui. C'est de faire en sorte. Je vais le faire une fois normalement. C'est de faire en sorte que la terre redevienne un paradis. Oui. Voilà la mission principale. Que cette terre, que l'être humain redevienne comme au départ, oui. Que les humains retrouvent la perfection. Et que toute l'humanité, tout entière, soit soumise ou soumise à son créateur. Okay. Voilà la mission principale. Okay. Quand ça sera réalisé, c'est là où le royaume de Dieu va entrer en action, ou bien c'est comment? Et maintenant, et cette. Cet état-là. Et cette mission, maintenant, se divise en plusieurs, étapes. Bon, je peux dire en deux grandes parties. Oui. En deux grandes phases. Oui. La première phase consistait à ce que Jésus vienne sur terre. La première phase consistait à ce que Jésus vienne sur terre. Maintenant, la deuxième phase consistera maintenant. À transformer la terre en paradis. Et pour que cette terre soit transformée en paradis, Dieu, comme il a toujours délégué depuis l'ombre de temps, même jusqu'au 8. A délégué l'esclave fidèle et avisé. Non, pas l'esclave fidèle avisé. Il a donc délégué. On parle de Jésus, on parle de l'esclave fidèle avisé. Vous n'avez pas dit, tu blagues pas beaucoup. Donc, il a délégué à Jésus. Oui. Une partie de son autorité. Donc, il a délégué. Une partie comment, Alex? Une partie. Je veux dire, il a délégué à Jésus. Oui, oui. Le pouvoir. L'entièreté ou bien une partie. Il a délégué à Jésus le pouvoir de juger. Oui. Attends, non, je repose encore sur la question parce que je sais pourquoi c'est intéressant. Dieu, si on voit Dieu comme étant père et fils comme ça, là, Dieu a délégué à Jésus tout son pouvoir ou bien une partie de son pouvoir. Moi, je ne veux pas dire tout ou une partie de son pouvoir. C'est que en fait, dire, qu'est-ce que la Bible dit de cela? C'est que la Bible dit. Oui, hein, par rapport à ce sujet. Par rapport à ce sujet, c'est que Dieu, hein, c'est que le juge, le grand juge, le roi et tout, c'est Dieu. C'est Dieu. Voilà. Mais maintenant, non, il a délégué la royauté à Jésus-Christ. Oui. Il a délégué le pouvoir de juger. Oui. À Jésus-Christ, pour s'arrêter seulement sur ces deux aspects par rapport à un autre thème de discussion. Mm-hmm. Bon. Maintenant, dans la deuxième phase de l'accomplissement de sa mission, Jésus va juger les humains. S'il te plaît, pendant qu'il sera jugé, où sera Dieu? Dieu sera où? Comment je dis, quand le tronc du jugement s'assoit, Dieu est où? Quand le moment de le juger va arriver, Dieu serait toujours assis sur son trône. Je vais un peu expliquer cela par un exemple. Oui. Je prends le cas particulièrement le cas du Cameroun. Oui. Hein? On sait qu'au Cameroun, contrairement à certains États occidentaux chez les Blancs, au Cameroun, le président de la République détient presque les trois pouvoirs. Je suis d'accord. Au Cameroun. Mm-hmm. Il détient le pouvoir judiciaire exécutif et législatif. Oui. Même si dans les dans écrits, on dit autre chose. Autre chose, mais dans la logique, c'est lui. Oui. Maintenant, Dieu occupe, parce que dans le livre d'Ézéchiel, pas Ézéchiel, Isaïe, quoi, 32, c'est verset 22, qui dit il est juge, il est législateur. Mm-hmm. Dieu également détient ses trois pouvoirs. Dieu détient ses trois pouvoirs. Il est législateur, il a la législation, l'exécutif, le pouvoir judiciaire. Maintenant, Dieu, dans sa qualité, dans sa qualité de roi, de celui qui fixe les lois, décide que bon, pour terminer cette mission, parce qu'il a bien parlé de mission, Dieu est assis toujours sur son trône parce qu'il n'a pas changé de trône. Il confie une mission à Jésus-Christ. Dans son trône à côté de lui. Voilà. Et il établit dans son trône à côté de lui. Oui. C'est toi maintenant, jusqu'à nouvel ordre, tu vas juger que ce soit les humains sur la terre ou les anges au ciel. Donc, cette mission a été confiée à Christ. À Christ. Entre temps, Dieu ne doit juger personne. Voilà. En ce moment, Dieu est assis toujours sur son trône. Mais vous voulez dire que dans toute la mission, dans toutes les missions, parce que vous voulez manger avant de parler, parce que c'est une exemple. Mais je me dis que dans toute la mission, là, il n'y a nulle part où Dieu va venir en jugement, juger les gens. C'est seulement Jésus. Dieu ne croise pas ses plats. quand Jésus sera en train de passer les gens en jugement, passer Alex, passer Junior, passer tout le monde en jugement, Dieu sera là sur son trône toujours. Dieu ne croise pas les plats. Oui. Il est toujours, depuis l'hôpital, il a toujours été en action. Il y a certains jugements, par exemple, quoi, dans la Bible, dans Hébreu, où Dieu dit que c'est lui-même qui va juger fornicateur et adultère. Voilà. Il y a certaines personnes. Hein? Que c'est Dieu qui va juger. Que c'est Dieu lui-même. Non, je ne vais pas dire que passe par là-bas, mon ami. Passe par là-bas, la sandra, c'est par là-bas. La Bible n'explique pas comment ça se passe, mais c'est quelque chose qu'on dit. Mais la question qui était pour toi, c'est avant que tu parles des phases là. Il t'a le dit ici. Tu as dit dès le départ, à l'entrée de notre conversation ici, tu as dit qu'il y avait deux trônes au ciel, le trône de Dieu et le trône de Jésus. Et Jésus, donc, j'ai posé la question. Le royaume qui en est devenu, que vous prêchez là, qui est roi? Tu as dit c'est Jésus. Ok, la question que je vous ai posée maintenant c'est ceci. On dit ceci, le royaume de Dieu. Oui. Donc, Jésus qui serait le roi. Donc, maintenant, la Bible, quand nous lisons la Bible, nous voyons que tantôt qu'on dit que le royaume de Christ, après un temps on dit que le royaume de Dieu. N'est-ce pas? Maintenant, je pose la question, quand Christ va régner comme roi, Dieu sera quoi? Et jusqu'à quand est-ce que le royaume de Christ, est-ce que le règne de Christ doit cesser? Ça va cesser, la Bible dit clairement. Que ça va cesser à quel moment? que Jésus-Christ va régner pendant 1000 ans. Oui. Ça, non, Jésus-Christ a un mandat bien défini. Donc après 1000 ans. D'une durée de 1000 ans. De 1000 ans. Voilà. Et ça c'est où ça? Je veux dire qu'il connaît le passage, c'est dans Apocalypse chapitre 20. Oui. La question, ça c'est où ça? Ça ne veut pas dire, il veut dire que son règne là, c'est le règne terrestre ou c'est le règne céleste. Peut-être tu le dis, je suis d'autres. Oui, parce qu'en fait, on en avance, tu vois, non? Ok. Bon, moi je vais te dire, peut-être si tu as d'autres explications, c'est. Oui. Jésus-Christ va régner, étant au ciel. Oui. Donc le règne du millénaire, c'est au ciel. Voilà. Jésus-Christ va régner, étant ainsi au ciel. Oui, donc. Maintenant, attends, dans ce cas, quand il est depuis qu'il est ressuscité, il est allé au ciel, il n'est pas assis là-bas. Quand Jésus est monté au ciel, oui. Ça aussi tu sais très bien. Dans un premier temps, Dieu dit d'abord, Assieds-toi d'abord. Et si le temps que je mets tes ennemis sur ton manche-pied. Donc ça veut dire que quand Jésus est assis sur le trône, maintenant c'est Dieu qui a travaillé sur la terre. Pour que Jésus se repose de ses œuvres et après pour qu'il mette les ennemis hors état de nous. Jésus aussi, dans un premier temps, Jésus était d'abord assis. Oui. Ça c'est avant la première, avant qu'il vienne, non? C'est après la résurrection, tu dis après la résurrection. Voilà, après la résurrection, comme il est monté sur le ciel, il s'assoit. Il attend. Qu'est-ce qu'il fait? Donc, il s'assoit là, là-bas. Quand il s'assoit sur ce trône-là, il n'est pas roi. Il n'est pas assis sur le trône. Attends. Voilà. C'est ça, c'est Alex, bon appétit. C'est ça que je veux que vous m'expliquiez depuis aujourd'hui, vous me tournez comme le marabout. Voici Jésus-Christ qui monte au ciel. Il s'assoit et tu dis que ce n'est pas sur un trône. Et dès le départ, à l'entrée ici de notre conversation, tu m'avais dit qu'il y avait deux trônes au ciel, le trône de Jésus et le trône de Dieu. Ça veut dire que si Jésus-Christ est venu au ciel, alors son trône est resté vacant depuis. C'est-à-dire que durant le moment où il a vécu pendant 33 ans, quelques années sur la terre. Non, parce que moi, j'ai fait un petit résumé de l'assemblée. Oui. Laisse-moi t'expliquer à quel moment le trône apparaît. Voilà. Quand Jésus est ressuscité, il n'est pas assis sur un trône. Il s'assoit, il est assis à la droite de Dieu. Et cette droite-là, il n'y a pas de trône là-bas. On a la Bible des précis, on ne parle pas de trône sur ça. S'il te plaît, non, même si. Bon, moi je t'ai dit ce que je. Oui, c'est bien. Tu as posé la question. Ça, c'est quand Jésus est ressuscité, n'est-ce pas? S'il te plaît, je veux que je m'explique bien. Dieu, lui, il est resté toujours sur son trône, d'après ce que tu as dit. Avant que Jésus ne vienne pour la première fois, quand il est venu, il est mort. Là. Il était assis à droite de Dieu, non? Il était assis où? Il venait dire les deux trônes que tu as dit tout à l'heure, c'était où? Les deux trônes là. Les trônes font leur apparition un peu plus tard. Donc ça veut dire qu'avant que Jésus ne vienne, il n'était pas sur les trônes des dieux. Avant que Jésus n'arrive, il n'est pas question de trône, de machin, de tout patati. Non, vous dire que c'est il n'y a que Dieu seul qui est tout puissant. Entre temps, donc Dieu, Jésus est où donc quand, avant qu'il ne vienne, lui, avant que Jésus ne vienne en Marie là, n'est-ce pas? Tu sais la question, n'est-ce pas? Avant que Jésus ne vienne en Marie, c'est parce qu'il marche sur la terre comme nous là. Entre temps, parce qu'il a une vie antérieure. Il est où? Il est aussi, il fait quoi? Il est assis ou il fait quoi? Voilà, il est son porte-parole. Ça dit quoi, Achille, mon frère, Alex? Quand tu dis qu'il est son porte-parole, ça dit quoi? Quand il va parler, c'est lui, Jésus, qui va parler. Jésus qui veut parler au nom de Dieu. Oui, allô? Un seul exemple dans l'Ancien Testament, par exemple. Allô? C'est vrai comme on ne dit pas. Non, c'est celui qui a donné les 10 commandements. Ce n'était pas Dieu lui-même qui a donné les 10 commandements à Moïse. Ça, Alex était un exégète de la Bible. Ça, tu le sais. Non, tu le sais, non, c'est pas. Il n'a pas encore le nom de Jésus, parce que Jésus, c'est quand il est venu. Il a le nom de Jésus, c'est sur la terre. Oui, c'est pour ça que lui, avant, il avait des fonctions qui l'occupaient. Oui, donc ça veut dire que tu en avais dit là que la personne qui parlait dans la flamme de feu là, sur la montagne, c'était Jésus. C'était la personne que nous connaissons maintenant sous le nom de Jésus. Oui, donc ce n'était pas Dieu lui-même en personne. Ok. La Bible même dit qu'il a envoyé son ange. Oui. Ça, tu le sais. Oui, et son âge qui a parlé. Parle, ok. Bon. Non, c'est bien quand même tu okay, ok, non. Non, en fait, au fur et à mesure qu'on a de comprendre, qu'on est en train d'avancer, les écritures sont en train de se développer devant de moi et je suis en train de voir des choses plus clairement. Voilà. Oui, donc, ça veut dire que. En fait, la question c'est ceci, parce que nous voyons. Donc, tu venais me montrer que Jésus était en fonction, il faisait l'âge des choses. Mais la question c'est de poser au niveau du ciel. C'est-à-dire que. Ça, il est venu donner le commandement. Quand il rentre au ciel. Dieu est assis sur son trône, parce que là, on dit d'éternité à l'éternité, tu es Dieu, n'est-ce pas? Tu es assis sur ton trône, qu'il était au son trône au moment du déluge. Quand le Seigneur est assis sur son trône, si on considère le trône comme étant un endroit géographique où Dieu est assis, Jésus aussi fait quoi? Quand il n'est pas sur la terre pour donner la mission, comme tu as dit que l'ange au buisson, là, ainsi de suite, quand il n'est pas de faire ça, au secret, rentre au secret, qu'est-ce qu'il fait? Vous voulez dire, quelle est sa position par rapport à. Déjà, premièrement, quand on lit dans la Bible, toutes les créatures angéliques, donc toutes les créatures qui sont spirituelles, qui sont au ciel, et c'est peut-être celles qui sont au service de Dieu, Donc, c'est que le temps, c'est Jésus au service de son Père. Donc, ok, ça, si je comprends très bien, c'est dans la progression du temps qu'un trône, il a été question d'un trône à la droite de Dieu. Effectivement, c'est ce que là, je voulais en venir. Mm-hmm. Dans la progression du temps, selon maintenant, donc, comme il était dit, il vient d'abord s'asseoir à la droite de Dieu. Mm-hmm. Et jusqu'à là, il n'a pas les bras croisés. Non, on dit debout. Il était à la droite. Vous savez que depuis que j'étais allé au ciel, voilà. Il est assis comme ça, il est comme ça debout à la droite. Bon. Et vu que c'est là que je voulais en venir, oui. Il n'est pas parti s'asseoir, c'est tout dans l'état inactif. Oui. Jésus maintenant continue maintenant de travailler. Il a commencé à régner sur, il commence à avoir son règne sur la congrégation chrétienne. Attends, explique-moi bien ça. Hein. Comme Jésus est ressuscité à aller au ciel, là, si on prend le trône de Dieu, comme par exemple cette chaise ici, et si depuis ici, Jésus-Christ est, on dit que, parce qu'Étienne dit clairement dans l'Arche chapitre 7 qu'il a vu debout à la droite, et beaucoup de versets disent que depuis qu'il est allé, il est allé à la droite de la majesté divine. Sous réserve qu'on comprenne ce que c'est la droite de Dieu. Alors maintenant, si cette droite-là est physique, Jésus est tenant là-bas, tu dis qu'il a une autre mission, il en est de diriger les congrégations chrétiennes. Comment, à partir d'ici, étant fixé à la position du ciel, comment il dirige les congrégations chrétiennes depuis des siècles? Ok. Déjà, c'est le même Jésus. Pour dire qu'étant là, à la droite de Dieu. Là, il est assis à la droite, ou il est debout à la droite de Dieu. Mais s'il est assis forcément, il est assis sur une chaise, pas vrai? Il est assis sur la chaise, là, n'est pas la chaise des rois. C'est que je suis là, il est assis sur quelque part. C'est pour étudier. Même si c'est un tabouret. Non, c'est ce qui m'intéresse pas, c'est ce qui m'intéresse ici. Pour étudier les signes familiaux, justement. C'est que je suis assis quelque part. Oui, il est assis quelque part. Ouais, peu importe. Étant donc dans le ciel, on m'a dit, Jésus a commencé à régner sur la congrégation chrétienne. Quand tu utilises le mot règne, celui qui règne n'est-il pas un roi? Quand tu règne sur la congrégation chrétienne, bon, je veux d'abord expliquer où je vais en venir avant de revenir sur les rois ou pas. Jésus a d'abord commencé à régner sur la congrégation chrétienne, en ce sens comme il veut personnellement. Au développement que les disciples ont, ce qu'il a compté la nation. Mais est-ce que les choses se passent comme il l'a dit? C'est lui qui parle à Paul. Et là maintenant, sur il est descendu, il est dans une lumière. Sur la route de Damas, il donne des instructions. Dans les livres de Révélation, c'est lui qui vient inspecter les congrégations. Donc ça veut dire que, en fait, je continue seulement pour éclaircir davantage. Quand il vient comme ça pour donner à l'île des Palmes, ça se pense qu'il a quitté la position de Dieu là au niveau de sa droite. Jésus n'est pas monté au ciel, mais il n'est pas resté de façon inactive. Ne tu vas comprendre bien, excusez-moi. Oui. Dans Révélation, on voit clairement comment il est venu vers les gens pour lui donner la révélation. Ça veut dire qu'en quittant, il a quitté forcément la position qu'il avait au ciel, il est encore redescendu. On est d'accord là-dessus. Il est venu là pour le faire. Après, il est retourné encore toujours à la droite. Vous dites, il fait les navettes. Les navettes. C'est pour le dire ici. Mais ce qui est sûr, ce qui est sûr, c'est qu'il a toujours veillé au fonctionnement de la congrégation chrétienne. Bon, maintenant donc. Et quel est le rôle du Saint-Esprit dans cette histoire? On a quoi sur Jésus? On a sur Jésus. Quand on arrive donc jusqu'à un moment où les paroles de la Révélation, chapitre 12, verset 9 à 12, où le tout est expulsé, voilà. Et ainsi de suite. Et ils ont l'accomplissement bien après. Après quoi, bien longtemps après sa mort et sa résurrection. Donc ça veut dire que c'est encore devant nous là maintenant, c'est pas encore arrivé. C'est ce que tu dis, c'est pas encore arrivé, non? Non, tu sais très bien que c'est arrivé. Tu sais très bien que nous on a sait que l'étape est passée. Okay. Non, moi j'étais juste en train de tu m'as demandé de te situer les choses dans leur contexte. Jusqu'au niveau du trône. Du coup, oui, c'est ça que je veux donc arriver. Quand Jésus donc vient donc, quand le mandat de Satan est terminé. Il est donc chassé du ciel. Satan est comme on le décrit dans le livre de l'Apocalypse, à partir du chapitre 12, du verset 9 au verset 12. Et il est précipité sur terre. Donc, si tu es le mandat de Satan termine à quel moment? À quel moment? C'est devant nous, mais ça s'est passé. sa domination. Non, je voulais dire que quand Satan est chassé là. Oui, c'est passé. C'est déjà passé. C'est quand Jésus est monté au qu'on l'a chassé. Pas automatiquement. Pas là, il y a eu un temps qui est bien passé. Donc, attends, si vous comprenez très bien, quand Jésus est monté au ciel après sa résurrection, Satan était encore dans le ciel. Oui. Et peut-être il a raconté Jésus là-bas ou bien quelque chose, la guerre a commencé. Parce que d'après ce qui est écrit là, Jésus-Christ est l'archange Michael. Et dans cet Apocalypse, là, chapitre 12, il est question de Michael qui combat les anges. Donc, quand Jésus est monté au ciel, il a repris son nom de Michael. Et là, il a lutté avec Satan pour, pour l'expulser du ciel. Ok, donc avance. Voilà. Satan chasse donc maintenant du ciel. Et à Satan, on lui donne un peu de temps. Un peu de temps. On donne un petit bout de temps. Bon. C'est Dieu lui-même ce qui connaît la durée de ce bout de temps. Donc, Satan doit continuer à s'aimer, à régner. Et c'est ce temps-là que Satan a maintenant sur la terre. Parce que la Bible dit que le monde actuel est sous sa puissance. Effectivement. On est d'accord. C'est l'absence de temps-là que Satan est maintenant. Et maintenant, donc, pendant ce temps que Satan est. C'est là où il y a eu les acclamations et autres, ils sont revenus, le Seigneur de ceci, notre Dieu va commencer à venir. C'est à partir de ce moment-là. Quand Satan a chuté. Chute sur terre. Oui. Et maintenant, un nouveau trône ou des trônes. C'est vrai que tu n'as pas voulu qu'on aborde. Ne tu penses pas que tu as calmé. Mais restons sur Dieu et Jésus, c'est lui dont on va aujourd'hui. C'est à partir de là maintenant où Jésus-Christ maintenant est assis sur le poil. Parce que quand on est dans la révélation, il va mener la guerre, il a une couronne sur la tête. Et c'est dans ce sens-là que vous expliquez, donc on pourrait savoir que Christ a été intronisé au ciel en 18 ans. C'est dans ce sens-là. Bon, ça c'est la première guerre, c'est là où Jésus-Christ a été. Tel que nous on explique. Oui, oui, non, je vais justement comprendre. C'est toutes ces conclusions-là qui amènent que en 1914, c'est tellement parce que j'ai lu quelque part dans vos écrits que quand Satan vient, chaque fois il y a le briseur. C'est pour ça que quand il a été expulsé en 14 pour installer son domination véritablement, il a créé cette guerre-là pour le faire. Et en 1914, Christ a été intronisé en haut par conséquent. C'est ça, Christ Moulin devient le roi. Oui. Donc, si je comprends très bien, Jésus-Christ est devenu roi à partir de 1914. Ok, il règne sur quel royaume alors? Parce qu'il est le roi, il doit être roi de l'univers. Quel est son royaume? Jésus-Christ règne déjà. Il règne sur quoi? Sur la congrégation chrétienne. Mais tu m'as dit que depuis qu'il est allé au ciel, il a commencé, il régnait depuis déjà, avant cet événement-là. Il règne déjà, il y a plusieurs périodes de l'église qui est passée. Ok, pour mieux comprendre cela, une fois j'avais présenté un discours, j'avais pris l'illustration là. J'avais pris un exemple pour essayer un peu de montrer cela. Et par exemple, dans un pays, quand il y a une élection, on vote aujourd'hui, peut-être on a fait l'élection hier lundi, hier, peut-être, bon, comme chez les Blancs, c'est automatique, le même jour qu'il y a l'élection, on fait les décomptes. On dit que bon, Alex a gagné les élections. Donc, Alex est le nouveau président. Est-ce que c'est à l'instant T là qu'Alex devient président? C'est vrai qu'il est déjà président, mais permettez-moi. Vas-y. Toi, tu as mangé même. C'est là où je deviens. C'est vrai que je suis là président, mais. Tant qu'on n'a pas officiellement installé sa fonction. Ce n'est pas à l'instant D même que je commence à exercer. C'est vrai que je suis déjà président. Maintenant, c'est vrai. On m'appelle déjà président. Mais je n'exerce pas encore ma fonction de chef d'État. Donc, il n'est pas encore en service. Il n'est pas encore en service. Mais cette illustration-là, avec Jésus, comment ça s'applique? Maintenant, cette illustration avec Jésus-Christ, ça s'applique donc. Jésus prend le pouvoir. Il gagne. Les élections. Le premier le combat avec Satan. Quand il chasse Satan du ciel pour lui montrer que tu n'as plus la place ici. Et à partir de moi là, c'est là où le règne commence. À partir de là, il y a l'intronisation. Parce que le mot que vous utilisez, c'est l'intronisation de Christ a eu lieu en 1914. Voilà. Donc l'intronisation, ça veut dire qu'à partir de moi, il est officiellement roi. C'est là où commence l'expression qu'on utilise souvent, le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur. C'est là où ça commence. Dans l'explication du jour du Seigneur, explique-moi. Il y a une explication à la Bible, on utilise souvent le jour du Seigneur. Voilà. Oui. Voilà. Comment on expliquait quoi avant, je ne sais pas si ça a changé. Bon, ben, je préfère ne pas aller. Je vais souvent m'éclairer. Donc, 1914, Satan est chassé, d'après vos enseignements. Oui. Et donc, maintenant, au ciel, donc, l'introduction de Jésus, il y a l'acclamation. Donc, Christ prend maintenant effectivement sa fonction de roi. Mais tout à l'heure, tu as dit que Christ devait régner pendant 1000 ans. Et depuis à l'entrée ici, il t'a posé la question que le roi de Jésus est-il éternel ou bien c'est limité. Tu as dit toi-même que c'était une prescription par rapport à 1000 ans que 1000 ans sont fixés. Si 1914, et on clair clairement que l'année 1914, si d'après ce que tu as nous dit, d'après ce que vous enseignez, si c'est 1914 où il a été intronisé et que son règne a commencé, ça suppose que dans 1000 ans, c'est-à-dire combien de temps? De 1914 plus 1000 ans, ça doit nous amener en quelle année? Il recommence encore. En 1914, on ajoute 1000 ans sur ça. Ça va faire que ça doit nous amener combien? 2014. Donc ça suppose que d'après ce que tu en as dit là, Alex, en 2014, si Jésus-Christ ne doit plus être roi, à partir de 2015, il ne sera plus roi. Il suit ma logique, peut-être que c'est moi qui me trompe. Non, mais tu vois, allons-y, regarde, n'est-ce pas? Dès le départ ici, j'ai posé la question, est-ce que... 2914. Ok, on arrive. Ça veut dire que d'après l'explication, Christ a été intronisé. Quand il est intronisé, c'est parce qu'il prend fonction. Et d'après l'explication que tu m'as donnée d'Apocalypse chapitre 20, on dit que Christ va régner pendant 1000 ans. J'ai bien fait de poser la question, il va régner où? Tu as dit que depuis le ciel. Donc il a été intronisé au ciel en 1914. Si on ajoute 1000 ans sur ça, on se trouve en 2914. Donc là où tu es en tant que prédicateur, tu me dis qu'en 2914, c'est vrai que toi et moi ne serons plus là, qu'on la met ou non. N'est-ce pas? Si en 2914, c'est-à-dire en 2915, Jésus ne cessera d'être roi. Ah, bon, on n'est pas encore. Peut-être que tu m'as seulement devancé. Écoute, laisse-moi, moi j'ai fini mon explication que j'ai commencé. Ok. Parce que là, moi je suis un peu même perdu. Non, je parle par rapport, c'est parce que. J'ai dit donc ceci. Jésus chasse Satan du ciel. 1914. En 1914. On lui donne le peu de temps. Oui. À Satan, ça c'est à Satan. À Satan. Christ entre en fonction. Christ maintenant. Est intronisé comme roi. Est intronisé comme roi. Oui. Bon. Mais qui n'a pas encore déjà commencé à exercer ses fonctions de roi sur la terre. Ah non, ça veut dire qu'il est roi dans où? Il est roi dans sur quoi? Jésus-Christ devient d'abord roi. Peut-être parce que tu n'as pas bien suivi mon exemple. Non, effectivement, c'est à partir de cet exemple que je donne. Parce que tu dis quand quelqu'un gagne les élections, on l'appelle déjà monsieur le président. Mais à l'instant où on met ses armoiries, on met les attributs sur lui, à partir de ce moment-là, il prend fonction. Il peut signer les décrets et des choses comme ça. Quand la Cour suprême. Quand on a délibéré, quand on lit les résultats, on dit qu'il a gagné les élections, on peut l'appeler monsieur le président, même pas encore signé. Il n'est pas encore signé. Il faut une cérémonie officielle. Officielle. Et c'est cette cérémonie officielle que tu dis qu'en 1914, après que Satan a été chassé, ça s'est passé. Non, c'est pas encore la cérémonie. Officielle ne s'est pas passé, ne s'est pas encore passé où Jésus reçoit l'investiture. Ok, l'investiture, donc c'est quand alors? Donc, explique-moi. Bon, maintenant, dans l'investiture, au moment où Jésus va donc commencer à régner, oui. Va d'abord commencer par. Parce que dans un État, il n'y a pas de président, comme la Bible le dit toujours en Révélation chapitre 20, où, bien même avant ça, où Dieu a d'abord fait la guerre avec la force, avec tout le système, il aura décousu avec tout ce système du diable. Il va nettoyer tout maintenant. Maintenant, en dernier ressort, donc, selon Révélation chapitre 20, le verset 1 à 3, selon Jésus va venir descendre du ciel, comme on explique, avec une chaîne à la main. Tel que c'est dit dans la Révélation, il va saisir Satan, le diable, voir le lier, l'enchaîner et le jeter dans l'abîme. Dans l'abîme où il y a le feu. Voilà. Non, dans un premier temps, c'est d'abord l'abîme. Parce qu'on ne le tue pas d'abord. Non, il ne faut pas dire qu'on le tue. Dans cet abîme-là, il y a le feu. Parce qu'on dit clairement qu'il y a le feu là-dedans. Non, dans l'abîme-là, c'est après que ça sort. Laisse-moi expliquer. Tu es en train de mélanger. Moi, je sais de quoi je parle. Il est d'abord jeté dans l'abîme, enchaîné. Et ce que tu as dit, c'est que Révélation chapitre 20, verset 1 à 3, tu as dit que c'est Jésus qui allait descendre encore pour l'enchaîner. Pour venir arrêter Satan de la terre maintenant. Parce qu'il est d'abord chassé au ciel. Il n'est pas arrêté, il est juste chassé au ciel. Jésus veut l'être chassé dans tout l'étendue. Maintenant, donc, il vient le mettre hors d'état de nuit, en termes simples. Mais le problème, c'est que tu as dit que c'est Jésus qui va descendre encore le faire. Dans cette révélation, on ne parle pas de Jésus dans la révélation, chapitre 20, verset 1 à 3. On a dit qu'un ange puissant. On a dit comme ça. Oui, c'est vrai qu'on ne parle pas de Jésus. On ne parle pas de Jésus. Mais puisqu'en reconnaissant l'être le diable et tout, le diable ce n'est pas le diable. Tu as le calibre, c'est le calibre de Jésus là. C'est Jésus qui doit gérer ce genre de gros calibre là. Oui, vas-y. Okay. Donc, Jésus, donc, étant donc, Satan étant donc hors d'état de nuit. La domination de Christ maintenant. La domination de Christ commence par la résurrection, la transformation de la terre en paradis, et ainsi de suite, jusqu'à ce que quand les mille ans vont terminer. Parce que la Bible précise, non, mais ça, tu t'as déjà bien vu. La Bible dit qu'après les mille ans, Satan va se relâcher. On parle maintenant, on ouvre le couvercle de. C'est justement là où ça me pose problème. Aujourd'hui, j'ai posé la question ici, Jésus-Christ est roi jusqu'à quand? Vous avez dit qu'il va régner pendant 1000 ans. Donc, ça veut dire que pour qu'il y ait 1000 ans, il faut qu'il y ait un début de 1000 ans. Et il y ait une fin de 1000. Oui, il y aura un début, les 1000 ans n'ont pas encore commencé. Donc, les 1000 ans n'ont pas encore commencé. Non, pas encore donc, commencé. Si, donc, là où toi et moi, Alex, nous sommes là, Jésus-Christ n'est pas encore roi. Ou bien un roi vitueux comme un président qui a gagné les élections n'a pas encore entré dans la fonction. Jésus, on peut dire que Jésus est roi comme on peut dire que tu es le président de ton parti. Au sein des siens, Jésus est roi. Mmh. Auprès des siens, tout comme je suis président dans mon parti. Oui. Donc les membres de mon parti m'appellent président. Ok. Et voilà, tu viens de dire que on a admis ainsi, ou bien ça a été ça, ceci a pris l'effet lorsque Satan a été expulsé. Mmh. Mais lorsque nous lisons dans les prophéties, si je prends par exemple Mika, chez vous c'est Mika chapitre 5. Où on parle de lorsque Hérode a su qu'on l'avait déjoué, il a demandé que, pour prendre les informations. On a dit que c'est Ephrata, à Bethléem qui devait naître. Là-bas, on dit que de toi sortira celui qui régnera. On dit qu'on parle de lui comme un roi. Et les mages sont venus, ils ont demandé à Jérusalem, on dit que où est le roi des Juifs qui est né? On dit clairement qu'il est né roi. Et toi, tu dis que c'est en 1914 qu'on a construit. Quoi, j'ignore. J'espère aussi que dans ta lecture de la Bible. Oui, oui. Quand Dieu lui parle, oui. Dans la Bible, quand Dieu parle, Dieu peut dire, il peut faire écrire une déclaration en disant des termes comme si c'était accompli. C'est accompli. Ça, tu le sais aussi. Oui. Le fait que Jésus soit appelé roi même avant qu'il ne naisse, parce qu'il serait effectivement le roi. Puis, personne ne va empêcher à ce que Jésus soit le roi. On est d'accord, je suis d'accord avec toi. Alex, on peut utiliser ce terme-là, rien qui va venir. Regarde, Alex, le roi va naître. Il y a des questions que j'ai posées ici de le départ. Peut-être que tu n'as pas compris pourquoi il pose la question. J'ai posé la question, où est-ce qu'il va régner? Vous avez dit que c'est depuis le ciel. Oui, c'est là où tu sais que Jésus va régner. Mais maintenant, regarde bien, les appellations dont on parle de lui jusqu'à sa crucifixion. On l'appelle roi des Juifs. C'est ce qui est écrit, même sur son truc. On a dit que non, change. Il dit qu'il a dit que je suis le roi des Juifs. Il a dit que c'est ce que j'ai écrit. Donc, à sa naissance, on l'appelle roi des Juifs. Pendant ce moment, on a dit que tu es le roi d'Israël. Tu es le roi d'Israël. On a dit de lui que tu es le roi d'Israël, celui qui devait venir. À sa mort, Pilate, même sous l'inspiration de Dieu, a écrit que voici celui qui est le roi des Juifs. Il a même dit crucifierai-je votre roi. Et toi et moi, nous sommes d'accord que Jésus n'a jamais régné. Il n'a jamais régné là-bas. Et c'est ce qui pose la question de le départ, où est-ce qu'il va régner comme roi? Pourquoi est-ce qu'on appelle roi des Juifs? Pourquoi est-ce qu'on appelle Jésus roi des Juifs depuis la naissance jusqu'à sa mort? Ce que moi je veux donc faire, je préfère donc qu'on vienne continuer l'autre là dimanche. Ok. Non, dimanche, ce n'est pas parce que je suis en train d'aller au nom. Je t'ai dit, comme je dis au téléphone là, je veux au nom, je ne sais pas quand je vais rentrer. Donc quand je vais rentrer, ma femme va appeler pour te dire. Ouais, elle va me signaler. Donc, parce que comme là, ça, c'est encore notre débat. Non, on ne peut pas attendre ça maintenant. Tu vois que tout cela, ça dans le royaume. Parce qu'il faut qu'on voit clairement les choses du royaume. Et tout à l'heure, j'ai posé la question dès le départ que quelle est la nature de Jésus? Parce que dans ce qu'enseigne réellement la Bible, vous affirmez à la page 218, dans une démonstration, pour arriver à la conclusion que Michael est la même personne de Jésus. On l'affirme. Michael, c'est Jésus. C'est Jésus. Ok. Donc, Jésus est un archange. Donc, Jésus a la nature d'un ange. Donc, Michel, l'archange, a la nature divine. Donc, la personne qui est née dans Marie, là, c'était lui qu'on appelait Michael dans l'ancien temps. Il porte le nom par rapport à des missions bien précises. Parce que Mika, c'est celui qui est semblable comme, qui est comme l'éternel, n'est-ce pas? Selon les rôles à jouer, il porte le nom. Mais le problème, c'est que dans Révélation, on voit en même temps Mika, en même temps Jésus encore. Il dit dans Révélation, on voit en même temps Jésus, en même temps Mika à l'œuvre. C'est pour ça qu'il dit qu'il porte le nom selon ce qu'il va aller faire. Ce qu'il va aller faire. Quand il s'agit d'aller combattre, il n'y a pas que. Même en Jude, si tu regardes Jude, tu trouverais toujours Michael. Et chaque fois, quand c'est le combat, c'est ça. Quand c'est le combat, quand il va affronter le diable, particulièrement, c'est le nom Michael qu'il porte. Parce que quand tu lis en Jude, avec. Satan, il dispute le corps de Moïse. On l'appelle la Michael. Dans Daniel, au chapitre 10, il fait la même chose. Mais ce que je dis, c'est que dans Révélation, on voit qu'il y a plusieurs endroits où il y a un combat. Le seul combat où quelqu'un parle avec le diable, c'est Michael au chapitre 12 des Apocalypse, des Révélations. Mais on nous voit au chapitre 19, la personne de Jésus-Christ montant sur les chevaux, descendant pour aller combattre aussi. Mais là, il s'appelle la parole de Dieu. C'est Jésus. Pourquoi il n'est pas encore combattant? Il ne tue pas le nom de Jésus. Il ne tue pas le nom de Michael. Je voulais dire si c'est la même personne. Parce que tu as dit chaque fois qu'il part au combat, c'est parce que non, c'est que le bon rang. Bon, moi, il faut quoi? Parce que là, tu ne veux pas que je parte. Moi, je préfère d'abord qu'on se parle. C'est que j'étais tellement qu'il veut pas combattre. Non, je sais. Non, on va continuer ça. Donc, quand tu pars, tu ne sais pas à quel moment exactement. Je ne sais pas. Mais c'est quelque chose. C'est l'appel macédonien. C'est la famille. Donc, la famille reste, n'est-ce pas? Oui, non, c'est moi qui va. Ok, donc ça veut dire que tu vas vivre de l'église. Parce que par exemple, chez nous. Ça veut pas dire que je vais venir. Parce que si tu n'es pas là-bas, on me tue là-bas. Écoute, dépend ce qu'elle dit. Parce que quand on est bergé dans le troupeau de Dieu, voilà. Par exemple, on est d'abord, on a d'abord la première obligation est d'abord familiale. Avant les extérieurs. L'extérieur. Donc. Comme tu sais que bon, si tu vas durer là-bas, tu as fauté, tu as raté à ta mission là-bas. Donc, quand tu reviens rapidement, c'est juste que. Mais si rapidement, c'est 3 ans que Dieu veut qu'il reste, il n'y a pas de problème. Non, Dieu ne peut pas accepter 3 ans. Ça, combien de temps Dieu a fait que Moïse reste là-bas? Parce que son mari, c'est ça, le père, bon, il a apporté la femme pour venir. Moïse, c'est Dieu qui l'a appelé face à face. Il a dit descend en Égypte. Il allait descendre en Égypte, aller rentrer, aller durer dans les yeux. C'est son beau-père qui a amené l'enfant et les enfants. Qu'est-ce que tu as dit? Écoute, c'est bien. Tu sais qu'à l'époque, Dieu permet même la polygamie et autres. Nous parlons d'un aspect. Oui. Nous parlons d'un aspect. C'est lui, le législateur, qui va écrire les lois, comme je l'ai dit là, que quand quelqu'un sera nouvellement marié, il n'y aura pas en guerre par rapport aux militaires, par rapport à la femme. Non, quand on dit, moi, je te ramène dans quoi, c'est Corinthiens, c'est quelque chose comme ça, qui dit déjà entre l'homme et la femme. Qui ne doit pas se priver d'être un individu d'un corps, si ce n'est d'un commun encore. Mais maintenant, non. Donc, c'est pour la chair, voilà. Là-bas, il n'y a pas de problème. Donc, si la chair, il dira, il peut faire même 2 ans là-bas. Par exemple, il est laissé, je suis allé dans un autre pays, j'ai fait tout le c'est combien de mois là-bas. Non, ça ne dérange pas. Ça, c'est pour une autre mission. Ce n'est pas bien. Par exemple, chez nous, c'est comme si j'avais la même mission. Si c'est mieux, c'est la même mission, c'est mieux. Par exemple, chez nous, si on est ici, tu te déplaces. Tu fais 2, 3, 4 mois à l'extérieur, on revoit tes qualités. Tu es plus exemplaire comme un berger dans la convention. Ça, c'est clair. On revoit tes qualités. Non, mais attends, un ancien va se déplacer pour aller dans hors d'une convention pour aller faire quoi? Si tu es un ancien, Non, pas pour aller. Bon, généralement, peut-être pour le travail. Ok, non, si c'est le travail extérieur, c'est un problème. Pour la prédication, c'est une autre chose. Même pour la prédication, c'est pour ça que tu vas voir, par exemple, même les serviteurs spéciaux que nous avons dans les congrégations. Partout il part. Il part avec son sago. Si les mariés. On n'est pas fini. Non, il faut quand même. Ah, le jeu. Finissez. Il faut quand même que je finisse. Merci d'être venu. Merci d'être venu. Même si je continue à manger mon pain en route, c'est pas grave. Vous pouvez charger, vous finissez. Vous marchez même avec cela. Je n'ai pas de problème. Depuis, comment va madame? Tu me la salues, d'accord? Elle va bien. Je suis sûr que c'est un ciel, une petite activité. Parce qu'il faut aussi nourrir l'intérieur. Alex était si un jour là commencé à parler, un coup de fil de l'argent a fait que Alex abandonne la parole de Dieu pour aller prendre de l'argent, aller chercher de l'argent. Et Alex, tu as dit que Junior, tu sais que quand même, il faut qu'il y ait subsistance. Tu m'as flatté, tu es parti. Et toi, demandé sous ta permission que mon frère, il faut me comprendre que je ne fais pas exprès. Le droit est dur. Il a l'assemblée dehors. Le jour là, il a oublié le territoire. Il a laissé la Bible, il est parti. Courage, d'accord, courage, d'accord. On essaie de se battre, le système est dur. Mais comme on nous a c'est beaucoup. L'autre là, il y a quelque chose dedans. Ah, ça, lui, il ne mange plus. Que ça va. Okay. Comme on a beaucoup appris dans l'assemblée, les exhortations, les encouragements, le diable, de son côté, en train de rendre les choses dures. Donc, les serviteurs de Jovan. C'est qu'on va faire, c'est qu'on va. La prochaine fois, tu as dit qu'on continue dans le. On continue dans le commandement. Parfois, où il va régner, où il va régner. Et pourquoi on l'appelle roi des Juifs depuis le départ. Pour te dire que là où les Israélites veulent finir les Palestiniens, Jésus ne va plus mettre ses pieds là-bas. Pour les Juifs, pour s'asseoir. Ok. Que Dieu nous bénisse. On continue dans le territoire. Pour rentrer ce monde. Vous avez compris la fiche. Remplissez-moi la fiche maintenant. Non, la porte de l'autre activité. Vous êtes venu placer Junior à faire le pointage. Junior vous a permis de faire le pointage de vos heures. Salut-moi, c'est bon. Voilà Michel, celui qui aime l'éternel. Quand il sort, c'est pour combattre. Il part dans le territoire, il combat les Juniors. Michel. Ça nous permet de savoir à quel niveau. S'il te plaît, chaque fois quand tu viens avec des gens, aie le temps de les briefer. D'accord. Briefer. Parce que chaque fois que tu amènes les gens ici, ils sont toujours étaient comme ça pour qu'il y ait des choses qu'on ne puisse pas aller. Pour qu'on n'entre pas dans certaines choses qui vont nous tirailler. Donc, comme ça, on entre droit au but. D'accord. Il faut souvent consulter notre site. Votre site. Oui, JW. Non, mais je connais. JW.org. Maintenant, même si c'est en boule que tu veux lire nos publications, maintenant. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, il faut aussi terminer mon site aussi, n'est-ce pas, Alex? Hein? Ouais, donne le site de la lumière, toi, tu veux comprendre. Donc, ça en est que le site qui va te donner, c'est le site des ténèbres. Donc, tu en es de. Il a dit par là que j'ignore son site, c'est le site des ténèbres. C'est pas ce qu'il vient de dire. Hein? Il a l'âge, je te demande. Il a l'âge. Donc, Alex, ton collègue a dit que tu as de l'âge, il te demande toi-même. Donc, tu en es de dire que. Le site des témoins de Jéhovah, c'est le site des lumières, c'est génial. Oui. À l'heure actuelle, les personnes n'ont plus dit qu'il n'a jamais été prêché. Parce que le. Tu as vous avez toute la terre habitée. C'était le lait des nations maintenant, même que même avec. C'est parce que tu n'avais pas les moyens pour acheter une tablette. Il y a des vidéos sur ça maintenant. Donc, allez, donc ça veut dire que vous avez compris le verset qui a dit que je suis le lait des nations. On tête le lait des nations, mais jusqu'à ce n'est même plus bon. La technologie maintenant. On est entré dans ça pour répandre l'œuvre maintenant. Mais ça veut dire qu'avec la technologie, on n'a plus besoin de parcourir le territoire comme ça. Vous touchez au réseau. Non, c'est que ça reste sur la prédication la plus efficace. Là, tu es au contact. Contact direct. Direct. Pour prêcher le royaume. Le royaume. J'espère qu'un jour, un jour. J'essaie de t'aimer le jour. Tu le sauras. Persévère, Alex. C'est pour ça que je viens. Parce que s'il n'y a pas d'intérêt, si ce n'est pas. Parce que je t'avais dit l'autre jour que tu as discuté avec un ancien, avec le moment qu'il y a un gars là, que si on arrête, si on pouvait arrêter, on sera bien. Et tu avais dit ça. Mais maintenant, je dis par exemple que je n'étais pas là-bas, mais je sais que ça s'est passé ainsi. Donc, espère seulement. Prie Jéhovah pour moi. On nous apprend tout le temps qu'il y a des personnes qu'on a touchées 10 ans, 15 ans. Donc, il faut persévérer. Mais qui, à la dernière minute. Ils sont venus. Mais je t'avais dit qu'invite-moi chez toi. Parce que tu es prédicateur, je viens prêcher dans ta conversation. Non, il te dit non. Que non, ça ne se passe pas. Non, il te dit que c'est les gens, on ne fait pas les gars là. On ne partit pas les cultistes. Si tu es venu à une de nos réunions, tu viens, tu écoutes. Oui. Maintenant, après la réunion, tu peux voir soit moi qui t'ai amené, soit peut-être la personne qui a eu enseigné. Tu vois, ok, j'aimerais te voir. Parce que maintenant, là, comme la fin de la réunion, ce n'est pas là où. Maintenant, vous prenez rendez-vous, tu viens maintenant ici à la maison, tu poursuis. Bon, maintenant, si tu t'invites maintenant dans nos réunions, est-ce que tu peux venir, Alex? Non. Pourquoi? mais il était bien dit là, que quand tu sais que toi, tu es dans. Quand tu sortais. 10 minutes. Sortais au milieu de. Non, on ne peut pas. Entrer au milieu de. Au milieu de. Bonne journée. Bon, parce qu'à la prochaine. Oui, à la prochaine, non, merci. Quand tu vas, elle va faire signe, Président. C'est quoi, jeune garçon? Tu viens. T'as entendu, non?